Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast des rôlistes dans la cave. Alors vous l'entendez peut-être, nous ne sommes pas dans la cave aujourd'hui, la qualité de son a encore changé, on devrait revenir à la bonne qualité assez vite. Vous nous direz d'ailleurs, si vous voulez, dans les commentaires ce que vous avez pensé du son de ce podcast. Vous pouvez même poster des commentaires avant la fin du podcast, tellement vous trépignez sur votre chaise. C'est le premier enregistrement qu'on fait de la nouvelle année, par ce beau mois de février, c'est la rentrée des rôlistes. Le fait d'avoir mis les vacances sur 2 mois et qu'on poste les podcasts le dernier dimanche du mois, ça fait qu'on peut se permettre de prendre quasiment 3 mois de vacances, en fait, ça c'est cool. Alors, c'est le premier enregistrement de l'année, mais normalement ce sera le second podcast, parce que j'en aurai posté un autre qu'on enregistrera bientôt avant. Mais, dans le doute, bonne année quand même. Bonne année. Voilà, vous avez entendu, je suis avec Tom. Bonjour. Et Rafi. Salut. Voilà, bonne année quand même. D'ailleurs, en parlant de même, pour parler un peu d'actualité, si jamais celui-là c'est le premier de l'année. En lieu de vacances, il y a quand même eu un postage de même quotidien, ou quasi quotidien, sur la page Facebook des rôlistes dans la cave, des mêmes sur Sens. Ouais. Ah, ils étaient bien. Félicitations. Ouais, c'était très joli. On s'est bien amusé. Ils ont tous été très très inspirés. J'ai eu pas mal d'aide, il y a eu pas mal de gens qui se sont mis à en faire eux aussi pour mettre la main à la pâte. Même toi, Tom, je sais. Ouais, je t'en ai fait quelques-uns. Donc voilà, c'est un peu le bordel cette intro, mais on dit bien qu'anarchiste, ça a pour anagramme charentais. Hein. C'est quoi ça? Bref, nous sommes là donc aujourd'hui pour un podcast hors des contresens, épisode 2. Ouais. La suite. On s'était arrêté où? On s'était arrêté après Akina. On avait fait le scénario d'introduction et c'est tout. D'accord. Donc on s'était arrêté après avoir tué Akina malencontreusement. Malencontreusement, bah oui, tiens. C'est vrai qu'on avait aussi parlé de la création de perso et tout, donc c'est... Ouais, de la remise d'armure, ouais. Tout ça. Ouais, d'accord. Ok, donc là, c'est la suite. Alors il y a eu des... Là j'ai eu rajouté quelque chose, quelques trucs par rapport à la base du bouquin. Là on va pas suivre la base stricte. Donc qu'est-ce qui s'est passé juste après? Il y a eu scénar... Ils ont fait un duo avec Simon. Avec Simon qui jouait 99. Hein, l'assassin dont oui, on avait parlé dans le premier podcast. Le sniper... Ok, oui, parce que toi, Tom, t'étais pas disponible, t'étais à l'hôpital. Non, j'étais à l'hôpital. Et ils m'ont pas attendu pour jouer, ces enfoirés. Non, du coup, j'ai fait un scénar de mon cru à la place. Enfin, de mon cru. En fait, ça vient d'une idée qui a été balancée par Agonis, par Cédric Carsao sur le podcast, vieux podcast de la cellule sur Finlongfinger. Il me semble qu'il dit ça sur la fin, en tout cas dans la deuxième moitié du podcast. Si vous voulez retrouver les idées, c'est là. Mais vas-y, Rafi, raconte-nous ça un peu. Pour mettre dans le contexte, on vient de perdre Akina, qui est censé être mon meilleur ami, témoin à mon mariage, et tout s'ensuit. Donc, on n'était pas vraiment, vraiment joyeux. 99 était totalement d'accord avec Trevor sur l'attitude de Shaq lors de la mission. Donc, on a passé beaucoup de temps à critiquer Shaq. D'accord, ah oui, mais vous n'arrêtez pas de dire que c'était un irresponsable. C'est un irresponsable, quelqu'un de stupide. Enfin, on lui en a mis plein la tronche pendant 2 heures, quoi. Ouais, vous cassiez du sucre sur le dos. Ah ouais, non, mais totalement. Dans le dos. Quoi. Totalement. Alors, c'est pas là que. Non, je me rappelle plus. La première fois que j'ai fait intervenir Cassis, c'était avec Simon, je me rappelle. T'avais pas dit qu'il avait récupéré un carabin. Si, c'est là, il s'est retrouvé dans une des pièces des souterrains des assassins là. Ouais, il voulait augmenter sa création, je me rappelle. Ouais, c'est ça. Et il a cherché un instrument de musique. C'est ça. Et il est tombé sur un ocarina. Ouais. Et c'était une réplique de l'ocarina de Ocarina of Time. Oui, voilà, de Zelda. Zelda ouais. Qui lui a été remis par. Par Classis, du Classis coup. Classis qui traînait dans les archives. des assassins. Normal. Qui traînait avec un balai entre les jambes en faisant semblant de voler, comme dans les matchs de Quidditch en vrai, je sais pas si vous avez déjà vu. Oui, si. Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Enfin voilà. C'était assez drôle, une apparition de Classis, quoi. Normal. Et donc, je vous ai mis sur une histoire d'enquête. De disparition, il me semble, oui, c'est ça, de disparition. Du coup, on a commencé à enquêter. Je me souviens qu'on a dû faire un tour au poste de sécurité, puisqu'on a utilisé les caméras pour essayer de repérer ce qui se passait. C'était des cadavres qui disparaissaient. Ouais, c'était ça. Ouais. Vous avez dû voir avec le gardien du cimetière. Ouais, bon, on a fait le tour, on a fait une enquête, mais c'est les caméras qui nous ont aidés. Bah, ça vous a permis de confondre le gardien du cimetière qui, ouais, du coup, avait un arrangement avec un type avec un mec qui s'appelait Ben quelque chose. Je me rappelle plus. Voilà. Je t'avoue que ce scénar là est un peu vague dans ma tête. Hein. Nous l'appellerons Jean-Jacques. Et donc, ce mec-là, oui, Tom ? Il me semble que c'est pendant cette enquête, vous m'aviez raconté que vous étiez servi de 99 pour craquer les PC et obtenir des informations sur Wilfried. Comme quoi, c'était un immortel, oh, ça, à partir de là. Oh oui ! Ah oui, donc dès le début. C'est là qu'on l'a fait. C'est vrai que Simon avait eu le nez creux. Ouais, c'est Simon, ouais, qui avait eu l'idée, oui, je crois. Oui, il avait utilisé un fait de cellulis. On a vu ce Wilfried, c'est un mec pas net. Il faut qu'on fasse, ouais, plus de recherches. Et il avait hacké les systèmes de la base et il avait vu qu'il était immortel. Vous aviez vu qu'il y avait une place en conseil ou pas ? Si, ouais, et on a vu sa note, je sais plus quel examen physique et tout, enfin, qu'on passait tous et qu'on avait tous des notes plus ou moins mitigées et que lui, il cartonnait, enfin. On a eu plein d'infos du coup sur Wilfried à ce moment-là, c'est vrai. C'était une bonne chose. C'était énorme ça. Ça m'a fait plaisir, quoi, parce que les infos sont assez rares, donc. Ouais. Quand on en tombe de 6, ça fait plaisir. Il s'était servi d'un fait de cellulis, il me semble, il m'avait raconté, puisqu'il avait un fait de cellulis qui disait qu'il était fan d'informatique. C'est pour ça que c'était un fait de cellulis. C'était un fait de cellulis qui lui a permis de craquer les PC du coup. Bien joué. Je me suis renseigné quand même parce que j'avais les boules que vous de pas avoir joué avec vous, mais je vous avais appelé tout de suite après la partie de l'hôpital. Racontez-moi. Et du coup, ouais, vous appreniez que. Que du coup, ça, ils allaient dans. On avait repéré une ombre sur les caméras et qui nous amenait à un bâtiment. Voilà, il y avait un labo. Il y avait un labo souterrain clandestin. Et on est tombé sur Jean-Jacques. Qui faisait des expériences pas nettes, ouais, qui a rien voulu dire, hein. Sur le moment, on avait beau. Et il nous a lâché ses cadavres sur nous. Donc, du coup, on a commencé à affronter les cadavres qui sont mis à dire je t'accepte. Oui, avant de mourir, le dernier. Les cadavres, quoi. C'était des espèces de zombies ou un truc comme ça, du coup. Bah, alors, techniquement. C'était des clones incomplets de Philon Finger. Alors, moi, je l'ai compris sur le moment parce que, bah, ils ont déjà joué à Sens précédemment. Je connaissais le truc. Mais Simon a pas compris. Bah, par contre, je sais qu'il avait eu un petit frisson, il avait flippé. Hein. Quand le dernier Finger, l'étreint presque dans ses bras en s'écroulant, en mourant et en disant je t'accepte, et avant de tomber à ses pieds, Simon m'a regardé avec un regard, il y a eu un petit silence. Alors Maria Gridway avait mouillé là-dedans parce qu'en fait. Si tu te rappelles bien, au début, il y avait un projet commun entre le Jean-Jacques et Maria pour faire des clones de Phil Longfinger. Enfin, pour faire un clone de Phil Longfinger. Et en fait, le mec, lui, a commencé à se dire « Mais moi, je vais m'en faire plein !» Maria Gridway avait lâché l'affaire quand elle avait vu que c'était pas possible. Et lui, il s'était dit « Mais attends, je vais me faire une armée de super soldats. » Et puis... C'est parti, quoi. Voilà. Sachant que ce mec-là était un disciple de Viggo Nemeo, ça c'est pas étonnant qu'il pense comme ça. Oui, c'est clair. C'est là qu'on a entendu parler réellement de Viggo Nemeo pour la première fois. On le connaissait le nom, mais c'est tout ce qu'on savait de lui. Quand même. Viggo Nemeo, qui est un autre membre du conseil. Hein, oui, qui après n'était plus membre du conseil. Mais Maria Gridway s'est retrouvée un peu bâchée aussi par Solipsis. Elle a commencé à pas être contente. C'était quelque chose. Et du coup, on nous a chargé d'aller prochainement au pôle Nord pour aller confondre Viggo Nemeo. Ouais. Donc voilà, ça c'était le petit scénar personnalisé qui était pas dans le bouquin et qui était là un peu. Bah ouais, en plus ça faisait le lien avec Viggo, ça expliquait en plus pourquoi Maria avait de plus en plus la rage. Non, et puis c'est cool parce qu'avec. Enfin, entre Trevor et 99, il y a eu toute une relation qui s'est créée pendant cette partie-là en fait. Parce que bah, la première partie, quand on est parti chercher Akina, on était des inconnus. Quoi. Que là, on a pris le temps, on a fait beaucoup de social entre nous, histoire que nos personnages y se rapprochent. Quoi. Ouais. Et c'est marrant parce que ça avait vachement bien marché. Ouais. Et malgré ça, Simon a décidé d'arrêter après cette partie. Non, c'est après celle d'après. C'est après celle d'après. Ouais. Il a fait Viggo Nemeo. D'accord. Il a fait Paul Nord. Bon, bah, on va raconter ça alors. Ouais. Alors là, bon, on peut être un peu moins factuel vu que c'est dans le bouquin. C'est après leur épreuve, du coup, leur duo, là, on nous apprend que ils ont décidé, Solipsis et Gladius Sword ont décidé d'envoyer une équipe au pôle Nord, mais qu'ils n'ont pas de nouvelles, et que a priori, ce serait Viggo Nemeo qui serait derrière tout ça, quoi. Ouais, il y a quelque chose de louche. Il y avait ton pote à toi qui était envoyé là-bas. Il y avait le gars, le PNJ Jimmy qu'on s'était créé au centre de sécurité, celui qui nous permettait d'avoir accès aux caméras, tout ça. Lui, il avait été envoyé là-bas et du coup, Solipsis et Gladius Sword nous disent plus ou moins, va falloir que vous y allez à votre tour et que. Et que vous rameniez tout le monde. Que vous rameniez tout le monde, quoi. Que vous fassiez ce que vous pouvez, quoi. Du coup, profitez pour confondre Viggo Nemeo. Mais moi, du coup, je savais pas qu'ils avaient déjà fait une partie avant tous les deux. Mon perso, il savait pas. Donc, du coup, l'ambiance, elle était un peu étrange. Bon, on formait une coalition contre toi, quoi. Ouais. Vraiment, quoi. Je me souviens, on a pris le Sub-Zérith pour y aller. Et moi, je me suis retrouvé à devoir taper la discute avec le rat de 99. Hein. Parce que du coup, vous étiez tous les deux comme ça. Alors moi, je me suis dit, moi, je vais me faire mon copain. Parce qu'il avait un rat avec lui. Il avait Jinx. Jinx. Jinx, la poisse. Oui, c'est vrai. C'était son petit rat qui était tout le temps avec lui pour augmenter sa créa. il commençait à bien piger le système. Jinx, il l'avait dès le début. Hein, ouais. C'était un truc qu'il avait instauré dès le début. Il avait un familier, quoi. Mais c'était drôle. Du coup, il y avait deux clans. Il y avait moi avec Jinx. Le rat. Ouais. Et vous deux. Et on considérait que Shaquille avait fait n'importe quoi lors de la première mission et que. Donc on était tout le temps en train de lui dire on tue personne, d'abord on voit. Ah, c'était le premier mot, de toute façon, au début de mission. Là, on va au pôle Nord, c'est des humains, tu les tues pas. Parce que, si tu mets un coup d'épée, c'est fini. Donc c'était un peu le débrief de. La confiance dans l'équipe, c'est tiole et tout, c'était assez terrible. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu ça, ouais. Et du coup, on a fait tout le chemin en Sub-Zérid et jusqu'au pôle Nord avec ambiance tendue. Arrivé au pôle Nord, tu nous avais mis un petit truc bien pourri. Il y avait un espèce de truc de gravité qui faisait qu'on était tous aspirés vers le fond de l'océan. Ouais, c'est au moment où les bugs repassent sur le pont et que le pont s'effondre. Et du coup, eux, ils ont réussi à s'en sortir. Mais pas moi. Moi, je suis resté bloqué sur la boule comme ça et j'arrivais pas à m'en sortir. C'est le Cadria qui fait un nombre de pouvoirs, en fait, à ce moment-là. Ah bah ça, je savais pas. Et du coup, moi, j'ai trop galéré pour sortir de son truc, là. J'ai dû utiliser un feu de cellulis, du coup, pour m'en sortir. J'ai fait intervenir un vaisseau qui venait me chercher. C'était de Stargate, ça. Ouais, c'était le Prométhée. Et je crois que j'avais Jack O'Neill devant moi qui me disait « Bonjour, on vous dépose » ou un truc comme ça. Et du coup, ils m'ont déposé sur le pont. Mais bon, déjà, ça montrait qu'il y avait un bon comité d'accueil. Et bon, la base était quasiment vide, il me semble. C'était désert. Alors, ça, c'est une fois que vous revenez. Parce que quand vous y allez la première fois, Viggo Nemeo, il vous fait visiter, il vous invite à bouffer. Ah oui, ça... Ici, il y a même son majordome qui est handicapé, qui est trisomique, de Romuald Crow qui est là. D'accord. Peut-être. D'accord. C'est des détails qu'on a absorbés par le reste. Quoi. Romuald s'appelle maintenant Jean-Jacques, lui aussi. Tant pis. Bon, ça vous a pas marqué. Mais d'un autre côté, bon, c'est vrai que ce qui se passe après avec le labo vide, les gens qui ont la tête encastrée dans le plafond. Mais il s'est passé des trucs avant en plus. Ah oui, mais Romuald Crow est déjà mort en fait. C'était le Cadria qui vous servait la popote. Ouais. Peut-être. Est-ce que vous retrouvez son cadavre avec une note du père de Viggo Nemeo ou un truc comme ça, je crois, dans le décembre au labo. En tout cas, il y a quelque chose qui nous fait tiquer, qui nous pousse à mener l'enquête dans les labos du pôle Nord. Ouais. Et c'est plutôt facile de mener ton enquête, hein, puisque vu qu'il n'y a personne qui peut fouiller un peu partout. Mais on est tombé sur des trucs assez crades. Et c'est là qu'on est tombé sur notre premier quadrilla aussi. Enfin, t'es tombé sur le premier quadrilla. Ouais, je suis tombé sur le premier quadrilla. Mais bon, franchement, je me dis que ça devait être de l'inconscient à l'époque. Je sais pas pourquoi je suis allé là-bas, mais je suis allé chercher les ennuis. T'as voulu voir si c'était pareil de l'autre côté. Ouais, je suis passé dans l'ombre monde pour aller voir s'il y avait la base de l'autre côté et tout, et voir s'il y avait pas des trucs qu'on pourrait exploiter. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire un détecteur de présence grâce à des ombres de pouvoir. Et au début, tu me dis non, mais c'est un bâtiment et tout. Si tu veux, faut pousser loin et tout, faut consommer. Je fais bah vas-y, j'en fais. Ouais, je sais plus combien de points de. Ouais, j'en ai craqué un paquet. Et là, tu me dis bah si tu détectes une présence, mais c'est plus bas quoi. C'est dans des étages inférieurs. D'accord. Bon bah j'y vais. Il est pas ressorti nous prévenir. Hein. Il est allé dans l'ombre monde. Il a fait son truc et il s'est barré. Ouais, il laissant en plan. Ouais. Il a fait ce qu'on appelle du hotshot dans Beastage. Il s'est rajouté un objectif tout seul et il y est allé. Du coup, je suis tombé sur un quadrilla. Mais il cherchait un truc. Je me souviens, à l'étage où on était, c'était plus ou moins des appartements, des choses comme ça. Et du coup, moi, j'ai dû voir entre les appartements une armure de foudre bleue. Et là, il me fait t'as compris ce que c'était, quoi. Ok. Du coup, je me suis un peu planqué, j'ai essayé de l'espionner pour voir ce qu'il cherchait et tout, sauf que j'ai genre même pas 20 en néant, du coup il m'a très vite grillé. Ah, puis à l'époque, ouais, t'étais vraiment bas en néant. Ah ouais, non, mais j'avais 16 ou 17, alors c'était très moche. Pas sûr que tout... ouais, je crois que t'as toujours un petit score. Non, mais je suis toujours à 19. On a des tout petits scores en néant. C'est vrai que sur votre table, vous êtes pas néant du tout. Bah si, Mélo du coup. Elle joue un peu. Elle commence à aimer la rune de néant. Ah, c'est vrai qu'elle a, ouais, elle a plus de 50. Hein, elle a plus sa ceinture height qui lui permet d'augmenter, d'avoir des bonus et tout. Mais bon, pour revenir au quadrilla, du coup, il me trouve. Et là, on va commencer à s'affronter. Et moi, c'est la première fois. Ouais, j'y vais tout seul, mais pas peur, hein, Coco. Il s'est dit, vas-y, ça va passer, on va tester. En plus, on n'en a pas croisé depuis au moins 18 ans. On ne sait pas ce qu'ils valent, on ne sait pas quelles capacités ils ont. C'est le bon moment d'avoir des informations sur eux. Du coup, on va aller les combattre. Et du coup, tu y vas tout seul. Du coup, j'y vais tout seul. Ah bah là, j'ai craqué... tout ce que je pouvais en nombre pouvoir, en fait cellulis. Ah ben d'entrée j'ai attaqué avec des faits de cellulis, lui il m'a fait une barrière, tu sais, les armures que tu fais. Ouais, genre. Les barrières de quadrilla. Ouais. Du coup j'ai réussi à l'entailler un peu, mais moi je voyais mon armure qui continuait sur ma fiche de perso, moi je voyais bien que mon armure avait commencé j'avais plus de points quasiment, il devait me rester un ou deux, et je me suis dit putain, après c'est le choc ontologique quoi. je peux pas prendre le risque quoi. Et du coup, je me suis barré, quoi. Je vais foncer dessus, genre je vais te foutre un dernier coup, et en fait, je suis repassé dans l'ombre monde et. T'as rejoint tes potes. Ouais, j'ai rejoint mes potes. Les gars, il y a un quadrilla. Il s'appelait Sérum. Ouais, je l'ai appelé Sérum, moi, ce quadrilla. Alors, du coup, on a voulu aller causer avec Vigone et Méo pour savoir. Pourquoi il y avait un quadrilla. Ouais. Mais qui était introuvable, du coup, vous l'avez. Non, on l'avait trouvé vite fait dans l'ombre monde, mais on le trouvait pas sur la. Dans le monde réel, quoi. Mm. Non, même dans l'ombre monde, il n'y était pas. Hein. Ouais, Vigone et Méo. Oui, non, mais pas Vigone et Méo. Ouais. Mais ouais. Là, c'est là ouais, que vous trouvez le cadavre de Romuald Crowe, il me semble, avec une note qui vous dit qu'il y a un labo secret, ouais. Ou je sais pas quoi, et que vous prenez le fameux ascenseur qui descend. Ouais. L'ascenseur. Et du coup, moi, je suis toujours sans rien. On sait pas, mon armure, elle s'est pas améliorée et tout. J'ai plus d'ombre pouvoir et on y va. Hein. Donc, nous, on continue de lui casser du sucre sur le dos à ce moment-là. En disant que je suis inconscient. Et moi, je leur ai dit, mais non, c'était pour avoir des informations. Maintenant, je sais qu'ils font ça, qu'ils balancent de la foot, qu'ils font des armures, qu'ils sont imbattables. Mais le chef d'équipe était pas content. Mais le chef d'équipe était pas content et. Non, c'était n'importe quoi. J'ai pris bien. J'avais fait n'importe quoi. D'accord. Ouais. Mais bon, du coup, on continue à mener notre enquête, on va dans l'ascenseur. Et là, qui c'est qui apparaît dans l'ascenseur ? Le quadrilla qui revient ! Ah bah ouais, attends, Terminator 2, il faut une baston dans l'ascenseur, quoi. Et c'est là où il m'enfonce la seringue dans qui traverse la réplio, en plus, truc de ouf. Il me dit, ta réplio se déclenche, mais ça passe au travers, quoi. Et il t'injecte un truc, tu prends deux blessures graves. Ah ouais, j'ai déjà plus d'armure, j'ai plus d'ombre pouvoir, et en plus j'ai des blessures graves. C'est trop la merde. Du coup, j'étais le dernier à pouvoir attaquer dans la ronde. On était en train d'essayer de se battre dans un ascenseur, c'était trop... Ça a été super galère, comme premier combat contre un quadriaque. Mais du coup, je l'ai quand même eu. Je l'ai tué, le con. Voilà, avec quoi j'ai dû jouer. J'ai dû jouer avec ça. Ouais, mais moi, ça a été la fête, là. Après, quand je l'ai tué, moi, j'en pouvais plus, là. Non, mais c'est vrai que toi, au début, Tom, t'étais vraiment en mode bon, allez, on compte les points. Il a réussi à faire en sorte qu'on se fasse appeler les tueurs de quadrilla. Ouais, mais après ça. Ah ouais, mais moi j'en pouvais plus. Il en a appelé son épée de décapitation. Non, mais... C'était trop bien. Franchement, Renaissance, c'était trop bien. Ah, mais là, en plus, je me souviens, on était en fin de ronde, c'était à moi d'attaquer, mais j'avais plus rien. J'avais plus qu'un fait de cellulis à utiliser, du coup j'ai utilisé Tsunade pour me soigner. Ce qui fait que toutes mes runes étaient revenues à donf, je vais caler un coup. Et en fait, vu que j'étais re le plus rapide, c'était re à moi d'attaquer tout de suite à la ronde suivante. Du coup, en fait, j'ai fait un enchaînement de deux coups qui l'a désintégré. Et là, je l'ai vu. Et là, tu vois, le premier choc ontologique que tu vois l'armure qui se fissure, en fait, et dès que l'armure commence à se fissurer, ça part en poussière. Ça... Oui. Et du coup, il me semble que c'est là qu'on commence à apercevoir qu'il y a quelque chose sous l'armure. Peut-être, ouais. Ouais, je crois qu'on aperçoit... On voit qu'il y a quelque chose sous l'armure. Ah, si, si, ouais, j'ai dû décrire un truc comme ça. C'est vrai que moi, c'est le détail qui me semble anodin. Mais oui, mais non, mais c'était super important. En fait, ce détail, ça a été super important pour moi, parce qu'après le premier combat contre le Kadria, j'ai commencé à émettre des stratégies, comment valait mieux les affronter et tout. Et je me suis dit, déjà, faut les affronter chez nous. Le choc ontologique, c'est trop utile. On les affronte plus dans l'ombre monde, parce que s'il y a quelqu'un sous l'armure, ça veut dire que si jamais je détruis l'armure, il se peut qu'ils puissent continuer à m'enchaîner derrière dans l'ombre monde. Et moi, j'ai toujours le risque du choc ontologique. Du coup, je voulais plus aller les affronter dans l'ombre monde. J'ai commencé à faire une petite stratégie. Je me rends compte que c'est quand même une stratégie qui fait pas de prisonnier, ça. Mais il cherchait pas à faire de prisonnier, lui. Mais de toute façon, tu veux que je le ramène comment? Une fois que j'ai pété son armure, je peux pas le ramener dans mon monde pour l'interroger. Hein. Non, c'est bon, on les tue, et puis c'était comme ça, tu vois, c'était clair. C'est les méchants depuis le début, on nous les présente. Ils ont tué nos parents. Ouais, non, c'est mort. J'étais trop fier, c'était le premier Kadria tué en... qu'on avait vu. C'est bon. Le premier Kadria. Non, tué. Le deuxième. Le deuxième, du coup, mais ouais. On savait pas encore à l'époque. Alors là, je me suis dit, ah, c'était la fête. Ouais. Donc, bon, puis voilà. Hein. Et après, on arrive à Vigonéméo. Ouais. Et là, on l'interroge. On le voit, il est. En fait, du coup, il a encore les corps. Il a Jimmy qui est emprisonné. Il est en train de faire des expériences sur eux. Ouais. C'est plutôt moche. Ouais. Et vous arrivez à sauver quand même une bonne partie des. Ouais. Des gens. Sans le tuer. Il nous explique son plan. Ouais, ouais, on l'a fait queener un peu. Ouais, tiens, on peut se faire un mini débat. Alors, Vigonéméo. Est-ce qu'on prend des missiles là? On envoie depuis des silos là des missiles sur Figridan avec l'anthrax et Ebola dedans, je sais pas, des trucs comme ça. Est-ce que ça marcherait mieux que de faire la guerre à la Solid 6? Eh bah franchement, au début, non. Ça paraît vraiment être une mauvaise idée. Maintenant puis tu te poses. Tu vois, genre à la fin de mort, ça aurait été un plan tout à fait concevable. Carrément. Carrément. Franchement, tu vois, il y a eu des moments sur mort où je me suis dit, déjà quand je suis devenu général, je me suis dit, mais Vigonéméo, il est devenu quoi? J'étais. Et je me suis dit, on peut peut-être limite. Mais c'est toi, c'était dans, je l'ai pas fait, je l'ai pas joué en roleplay ni rien, mais moi, dans ma tête, ça avait creusé quoi. Je me suis dit, façon, il avait puis, peut-être pas tort sur toutes les lignes. Les plans que nous on monte, on revient, on n'envoie pas de missiles, mais franchement, ça serait la même quoi. Parce que. Nous on va y aller, on va tout défoncer quoi, c'est le plan hein, pour nous à l'heure actuelle, mais bref. Et tu vois, ouais. Son plan du coup il est toujours resté quand même dans un coin de la tête en mode pourquoi pas. ce serait le dernier recours, tu vois, ce serait l'extermination. Ah bah, et en plus à un moment quand on apprend qu'il n'y a plus de vie sur Mars, tu peux encore plus te dire bah pourquoi on la bombarderait pas hein, ça sert. Ouais. Tu sais, ça peut revenir, tu vois. Au début, tu te dis, on veut pas, il y a des civils et tout. C'est... Oh, on est sous l'influence de Solipsis à ce moment-là, quoi. Puis après, tu côtoies la rune de mort, donc tu commences à te poser d'autres questions. Est-ce qu'il faut pas tous les massacrer? Ok, bon, alors là, du coup, c'était pour le scénar de la balance du pôle sud, là. Mais du coup, Vigonéméo, c'est cool de l'avoir quand même, parce qu'il montre que t'as une divergence d'opinion entre certains résistants. Ouais. Ils sont pas forcément tous dans l'idée de Solipsis. Ils sont là aussi ouais. Parce qu'ils ont pas le choix. Parce qu'ils ont pas d'autre abri, mais eux, ils feraient bien autrement, quoi. Et bon, c'est parce que ça doit les lasser aussi, tu sais, ça fait longtemps et tout. Là, il y en a peut-être qui pensaient comme lui, on sait pas, on n'a pas trop creusé la question, mais il se peut qu'il pensait que Vigo avait raison hein, sur la base du pôle sud. Bon, là maintenant, c'est un peu tard. Mais... Ouais, non, mais voilà, c'est pour en parler. Donc, et par la suite, du coup, alors bon, vous êtes revenu. Bah, on le ramène au pôle sud et. Ok. On le met en prison. On le met en prison. Ouais, après sur tes petites notes là, je vois. Ah oui, parce que moi j'ai fait un plan tout bien, tout beau. Ah oui, en revenant, on apprend que bah, Simon il nous dit voilà que en interpartie, on apprend que Simon il est plus chaud pour jouer. Mmh. Et du coup, bah tu nous as. T'as prévu la sortie de Simon. On s'est dit si jamais tu veux revenir, voilà, On va faire de ça à ton perso. On va l'envoyer en mission de son côté. Perso était parti dans une mission d'infiltration avec les résistants berlinois. Ouais. Yes. Et du coup, il a dit, voilà, si jamais t'as envie de rejoindre la table, pour l'instant, je le mets en suspens et tu pourras le récupérer. Et du coup, on a commencé à jouer à duo. Deux. Ouais. Du coup, vu que nos persos... S'apprécient pas beaucoup. Ouais, mais j'ai fait des efforts quand même. Après, Viggo Nemeo, je l'ai pas tué, par exemple. Tu vois, j'ai commencé à... Mais bon, je me suis toujours pas excusé. Du coup, il a fallu savoir qui allait être le nouveau chef d'équipe. 99 voulait que ce soit moi. Moi, j'ai dit que moi, je voulais pas être chef d'équipe. Du coup, c'était le fils de Gladius Sworn. Qui est devenu chef d'équipe. Ouais. Et du coup, du coup, sur le coup, il voulait pas de l'équipe. Quoi. Surtout, vous étiez que deux, quoi. Là, bah, c'était un duo avec le mec. C'était avec lui, quoi. Alors pour le coup, il était pas chaud, Trevor. Ah ouais, il était. Ouais. Mais ouais, tu nous as fait comprendre en début de scénar. Bon bah voilà, c'est parti. Vous êtes plus que deux. Débrouillez-vous. C'est le scénario de Graveur, du coup, dont on va parler. Tout de suite après ? Il n'y a pas eu d'interscénar Non, puisque Paris et Yume, on l'a fait après Graveur. D'accord, bon, on y viendra après. Donc, scénario de Graveur, alors... Qui commence par moi qui rentre dans ma maison, rejoindre ma femme. Ouais, Laura, donc. Laura, qui, du coup, est avec une gamine, qui s'appelle Sally, qui tord des cuillères avec son esprit. Ah ouais, c'est vrai que ça a commencé comme ça. Elle se la joue à médium, la gamine. Ouais. Du coup, on a eu une grande conversation sur le fait qu'une gamine torde des cuillères sur son esprit avant qu'elle en vienne à me dire qu'elle voulait un bébé. Alors que c'est marqué dans ma création de personnage que je veux pas de bébé. Ouais, ça m'a semblé marrant de mettre... Trevor dans la situation compliquée. La petite Sally est passée assez au second plan sur le moment par rapport à ce passage-là dans la vie de Trevor. Et moi je l'ai rencontré après, du coup. Ouais. Elle est venue me voir aussi après, mais j'étais en train de m'entraîner. T'étais en plein QG militaire du Pôle Sud, et là il y a la gamine qui débarque dans la salle. Elle me voit m'entraîner, tu vois, j'essayais de tordre des trucs. Non, j'essayais de porter des trucs, des grosses haltères et tout, et là elle me regarde comme ça, elle me fait pourquoi tu fais ça? Du genre, je m'entraîne et tout. Et là, elle tord l'haltère avec son esprit. Là, je la regarde. Je dis, attends, mais même moi, je peux pas la retordre, tu vois. Et toi, tu l'as fait sans les mannes. Hein. Comment t'as fait? Explique-moi. Je fais ça depuis que je suis toute petite, depuis toujours. Hein, tu pourrais m'apprendre? Moi, tout de suite. Ah, j'étais prêt à l'apprendre pour Sensei, une gamine de 3 ans, de 6 ans qui m'apprend à faire des trucs comme ça. Moi, j'étais pas du tout sur ce qu'allait suivre. Ouais, je me rappelle, ouais. Moi, j'étais trop à fond. Je me suis dit, il va bader et tout, la gamine qui arrive dans la salle d'entraînement militaire. Non, non. Oh, trop bien, j'ai trop envie de faire pareil. Du coup, genre, trop concentré, en train d'essayer de tordre le truc avec mon esprit. Du coup, moi, je suis allé balancer tout ça à Solipsis en cours de route. Ce qui te dit que c'est un peu bizarre. Ouais, c'est bien pour ça que je suis allé le balancer. Et du coup, on est censé monter un plan pour l'attraper. Pour que Solipsis puisse... La rencontrer. Ouais. Du coup, j'ai tout fait foirer. On avait réussi à prendre contact avec la gamine, mais... J'ai dit un truc qui a fait qu'elle a voulu s'enfuir, alors que pourtant on s'était fait ami-ami toute la partie. C'était... Ouais, mais elle a pas eu confiance. Elle a commencé à comprendre qu'il se ramait un truc. Et du coup, elle s'est barrée. Mais elle s'est pas barrée comme une gamine aurait dû se barrer. Non. Elle a disparu dans l'ombre monde. Comme ça. Et du coup. Vous l'avez suivi, vous, bande de chatons. Dans l'ombre monde. On avait tué notre premier quadrillage juste avant, on était chaud. Quand même, faut le dire. Ouais, et puis du coup, dans l'ombre monde, qui est entièrement vide au pôle sud, c'était une quadrilla. C'était pas trop dur de la retrouver. On a trouvé une quadrilla. Du coup, qui s'appelait Sauveuse. Elle vous a dit son nom tout de suite ? On l'a su vite. On l'a su au début. Ouais. Et du coup, on a croisé un autre quadrilla. Qui est venu chercher la première. Son frère qui est venu la chercher, il s'appelait Météor. Et là, il y a Rafi qui m'a regardé avec un air de on fait rien. Tu bouges pas, tu bronches pas, c'est un ordre. Tu déclenches pas de combat là à 2 contre 2, c'est pas jouable. Surtout avec Météor. Il m'a regardé, je fais il a l'air fort et tout. Et il me fait non, tu cherches pas. On a discuté du coup avec Météor on a pris le temps de discuter. Alors, il nous a appris que du coup Sauveuse n'avait pas été là et tout. Oui, qu'il a fait à moitié un savon. Ouais, c'est ça. Qu'il allait le dire à l'éveillé. On n'a pas su qui était l'éveillé, du coup, il a pas voulu le dire, ça va. Ouais, on avait des soupçons, mais. Mais du coup, on les a laissés partir, parce qu'on n'était pas de taille. Mais c'est là que mon perso a commencé à se poser des questions sur. Attends, il y avait un quadrilla en plein milieu de la base du pôle sud. Attends, peut-être bien deux. Mais pourquoi ils n'ont pas tout attaqué? Et pourquoi Mifos, il n'est pas là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire, quoi? Ouais. Du coup, il était plus trop chaud pour qu'on les tue. Du coup, ça m'embêtait un peu. On aura essayé. Parce que moi, j'étais encore chaud pour. On n'avait pas suffisamment de preuves. Faut savoir que là, je triche un petit peu à ce moment-là de la partie. Ayant fait déjà Renaissance avant, je savais à quoi ça allait mener. Donc, oui. J'ai creusé un peu pour essayer de choper plus d'infos, en fait. Même pour les autres aussi. Ouais. C'était marrant. Ça, je m'en suis douté, du coup. Que toi, tu savais qu'en fait, il y avait un truc qui était pas clair et tout. Je me suis dit, ouais, mais non, lui, il sait, c'est pas drôle. Moi, je suis pas censé savoir, alors. alors, je sais pas. Je continue à les défoncer si j'ai envie. on sait pas trop. On s'est pas trop entendu. Ouais, mais t'avais pas les mêmes objectifs que moi. Oui, à ce moment-là. Ouais, mais ça va, parce que t'arrives à pas mal justifier tes choix avec l'immersion, en fait. Avec ton perso et tout, ce qui arrivait, comment il réagissait, ça marchait bien. Ah ouais, mais de toute façon, quand j'ai créé le perso au tout début, pour Renaissance et Mort, il fallait qu'il puisse suivre le chemin que je voulais, moi, pour aller chercher les infos, déjà. Je l'ai vraiment prévu, ça, pour le coup. Ouais, bah, le chemin, il a changé très vite. Le chemin, il a changé en cours de route, mais ça marchait que Renaissance, quoi. Mais on verra ça plus tard. Ouais, c'est... Du coup, ouais, non, même avec Sally, Laura avait pas réussi à convaincre ton perso d'avoir un enfant. Non, c'était niette. C'était niette. Hors des questions qu'on prenne un gosse alors qu'on est en guerre, qu'on sait pas si on va survivre demain et tout. Hors des questions, quoi. Ouais, mais bon. Donc voilà. C'est ce que t'as dit, quoi. C'est ce que j'ai dit. Toi, j'ai dû essayer de te foutre Maria dans les pattes à un moment. Si, oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé après la partie avec Vigo, c'est que moi, je m'étais fait piquer par la seringue. Et du coup, il y avait Maria qui était au petit soin. Oui, voilà, qui disait, ouais, c'est bizarre, on sait pas ce que c'est. Par contre, ça réagit comme la réplioïde. Tu sais, c'est... On voit au travers, je crois, où tu mets un truc dans le sang, dit, en fait. J'ai dit que c'était un peu bizarre. Ouais. Vu comment on l'observe, ça fait penser à comme à la réplioïde. Ça a l'air d'être plus ou moins proche, mais il savait pas ce que j'avais. Et t'as essayé de faire venir Maria un soir, tu te l'as fait pointer chez moi. Elle devait me ramener mes résultats médicaux, et en fait, elle est venue toquer chez moi en pleine nuit, bourrée. Et alors j'ai pris mes résultats médicaux et j'ai refermé la porte, quoi. Non, Maria ne t'intéressait pas. Non, trop pas. Et du coup, alors qu'elle était bien, elle était bourrée, tu vois, et elle voulait qu'on aille boire un verre et tout. Ouais, j'ai fait non, mais bon. Elle avait déjà pris l'apéro, ouais. Mais du coup, c'était très marrant parce que après, vous m'avez dit, ouais, Rafi m'a dit, non, Maria, c'était vraiment pas le bon plan. Hein, moi, j'ai pris trop cher sur ma première table avec Maria. Toi, t'as succombé, toi. Ouais, moi, j'ai succombé. C'était beau. Oui, c'était magnifique. JF a me faire pleurer. C'est pour dire comment il est bon. Quoi. Ah là là. Mais du coup, on m'a soigné et après on a dû partir sur une autre mission. Voilà, ouais. Donc l'autre mission qui est donc la grande mission, l'épreuve du graveur. Et la tornade qui ne s'arrête jamais sur la nouvelle ère. Ouais. On nous explique qu'elle est là depuis la fin de la guerre, c'est ça, depuis la fin de la bataille de. En fait, non, personne l'avait vue à ce moment-là, parce qu'elle a mis un moment à grandir. Fait une dizaine d'années qu'on l'a repérée vraiment. Ouais. Donc voilà, bon, tout ça, c'est dans le bouquin. Mais du coup, on doit aller prendre le sujet pour aller à la nouvelle guerre, et c'est là qu'on rencontre Wilfried. Voilà, c'est là que Wilfried arrive. Revient. Il nous fait venir, en fait. Il nous fait venir à lui, il nous donne rendez-vous sur un papier. Ouais, il vous envoie un petit poème, un petit mot rigolo, je sais plus quoi. Rejoignez-moi là, ou un truc comme ça. Alors Wilfried, quoi. Alors lui. Wilfried, je ne critique pas ton manque d'initiative, mais. Comment te dire? Juste faire un plan qui tienne plus de 2 secondes. Je peux pas. Wilfried, non. À ce moment-là du jeu, Wilfried, il est hors de question que j'y fasse confiance. Ah, c'était dur. Ouais, toi aussi, t'étais assez. Était assez réticents parce quand même, quoi. On savait pas trop, on lui disait, ouais, t'as vu ce que t'as fait et tout, t'as essayé de t'enfuir et tout. Oui, mais j'ai pas fait exprès, j'ai tué plein de monde, mais c'est pas ma faute. En plus, vous, c'est commencé à. Je suis nul à Agone. Vous aviez des informations, vous, sur le fait qu'il était immortel. Non, pas immortel, du coup. Il avait un siège au conseil, on l'a attaqué là-dessus, le fait qu'il avait un siège au conseil. Qui s'en servait jamais, quoi. Alors que, du coup, on est quand même bien en galère, qu'on a besoin de gens, quoi. Et le mec, il pourrait carrément aider, mais non. Je préfère faire de la gone et tuer des gens, mais après dire que c'est pas ma faute. Je suis trop dark. Non, mais alors lui, quoi. Et du coup, il a dit qu'il voulait nous aider sur ce sur cette mission parce que il s'est un peu imposé. Ça l'intéressait, grosso modo. Mais il nous vend pas déjà la mèche plus ou moins sur lui et Metatron du coup à ce moment-là que c'est plus ou moins si, à cause de lui qui nous explique, qui veut réparer les trucs. Ouais. Là, qui nous raconte qu'il a tué un quadrilla à Manu sans armure. Du coup, là, j'ai appris que j'étais le deuxième. C'était un drame. Et putain, en plus, t'avais une armure. Et j'en avais chié, je m'étais pris une branlée à Manu. Mais cette fois-ci, Wilfried avait une armure. Non, mais mec, il profite trop du système, quoi. Mais il est trop fort, c'est un truc de fou, quoi. Faut quand même l'admettre. Il est fort, hein, mais la scène dans les métros new-yorkais. Quand il attaque les espèces de droïdes là, qui nous tirent dessus. Pour revenir un peu à New York, quand on arrive, tu nous expliques qu'on peut pas passer par. On peut pas atteindre la tornade par la surface. Qu'il y a des sentinelles un peu partout. C'est très compliqué, ouais. Il y a l'Omicron. Et du coup, qu'on est obligé de passer par les égouts. Et du coup, dans les égouts, c'est la même merde, il y a des sentinelles et tout. Sauf qu'il y a Wilfried, alors du coup, c'est moins la merde. Puis Wilfried, il connaît les métros. Vas-y, que je me balade, quoi. Non, mais genre, à un moment, il y a trois sentinelles qui arrivent, Wilfried, il rebondit sur les trois, il les met toutes KO. C'est bon, c'est libre. Ce que tu me disais en préparation du podcast, qu'il joue à Peggle, il rebondit sur les trucs et poum, poum, poum. C'est ça. Non, mais. On va rencontrer la résistance new-yorkaise. On va rencontrer la résistance. Il y a Manounou. Ah, c'est Jim a calé un PNJ, Nounou, de mon enfance et tout. Ariel, je crois. Ouais, c'est ça. Ariel, bien vu. Je me suis pas rappelé de son nom. Bah, elle y est encore. Ouais, techniquement. Elle y est encore. Mais ouais. La résistance, quoi. Alors que des crasseux. Hein. Ah bah, eux. Il faut dire qu'ils résistent plus à grand chose. Les oubliés de la Nouvelle-York. C'est ça, quoi. Ouais. Ils étaient totalement abandonnés, quoi. Ils attendent. Limite, quand ils te voient arriver, ils font est-ce qu'on peut repartir avec vous et tout. Nous, on leur a proposé, mais on leur a dit non, mais vous pouvez pas rester là. Et de toute façon, il y a plus rien qui. Voilà, il y a plus rien qui vous retient ici. Venez là-bas, ce sera vachement mieux. Du coup, on les envoie au Sub-Zéry, quoi. Bon, on sauve un paquet de monde, mine de. Ouais, vous avez sauvé un paquet de monde. Bah, parce que du coup, après, c'est quand même gratifiant pour nos persos, quoi. Après, on va pouvoir créer un truc, du coup, au pôle sud, du coup, il va y avoir tout un groupe de réfugiés. Ouais, et tout, on y viendra après, du coup. Mmh, ouais. Mais pour finir, graveur, du coup, bon, parce qu'après, voilà, vous montez, il y a les gravures cheloues. Qui soignent, du coup, qui me soignent. Elles mettent des blessures mentales, puis après, elles soignent les blessures mentales. Bah non, mais c'est que moi ça m'a guéri de. J'arrivais pas à me guérir du vaccin ou du truc qui m'avait fait ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait en sorte que c'est ça qui te soigne. Ouais, c'est les gravures du coup qui m'ont soigné du coup. Je me suis tapé des blessures lourdes ou des blessures graves tout le long pendant tout un scénar et là à la fin il y en a plus. Du coup c'est la fête, c'est trop bien. C'est vrai. C'est vrai que t'as enlevé tes deux graves que t'avais eu au scénar précédent. Ouais, grâce à ça. Uniquement à ce moment-là. Ah ouais, c'est vrai, bah ouais, vu que t'avais le sang. Ok. C'était cool. Et du coup, bah, on s'est frité graveur à deux. Alors graveur, quoi. Graveur, c'était trop bien. C'est là où on a commencé à placer des combos, mon gars. Ouais, non, mais attends, graveur déjà. On va devenir copain. Graveur déjà, quoi, c'est trop un ouf. Je sais pas ce qu'il prend, quoi, mais. Putain, faut qu'il arrête, quoi. Il a des projets de ouf en plus. Franchement, quand il nous explique le truc de la mort, du choc, de l'ombre monde dans le monde réel, de fusionner les deux et tout. Sa théorie, elle est trop bien. Sa théorie du faire des deux mondes un seul parce que bah, de leur côté ils sont pareils et tout. Il nous explique que du coup, c'est grâce aux gens qui peuvent passer dans l'ombre monde et dans le monde réel, si jamais ils essayent de se téléporter de l'un à l'autre au moment où leur armure se brise, bah, ça crée une faille entre les deux qui fait une tornade, quoi. Et eux, ils sont à tout jamais dans le néant ou je sais pas quoi, ils sont coincés. Ils sont entre les deux, ouais. Ouais. Et du coup, les deux mondes à ce endroit-là fusionnent à peu près. Ouais. C'est sur nos armures, ça fait ombre monde, monde réel, ombre monde, monde réel. Et ça, c'est trop bien. Ça, c'est franchement, quand il le dit, c'est trop bien. Ouais. En plus, il fait, je crois qu'il y a, tout le trip en plus. Mais nous, on pourra jamais renaître parce que vous êtes là. Ouais. Parce que ils commencent à dire que leur ville est merdique à cause de nous. Voleurs de vie. C'est ça. Ça, ça fait mal, quoi. Ça, ça m'a beaucoup perturbé. Personnellement, le traîneur, celle-là. Il y a tout le trip où il t'explique qu'il est amoureux de Metatron ou qu'il sait pas s'il était amoureux. S'il fait semblant ou si. Truc qui sera très utile pour la suite en plus. Ouais. Il va faire naître des débats intéressants. Ah, c'est vrai que ça, là. Mais il apporte tout plein de questions à ce moment-là. Ouais, sur les quadrillants, quoi. Pas de réponse. Il y a beaucoup de questions. Ouais, moi j'ai son idée des tornades, j'ai trouvé ça super bien pensé. C'est un peu fou hein, dans l'esprit, mais ça sonne comme le perso, mais c'était vraiment un truc bien pensé. Moi, ça m'avait bien fait délirer. Mm. En plus, c'était la première partie où on a pu se battre tous les deux contre un même ennemi, parce que Wilfried est hors combat assez vite. Ouais. Histoire d'eux. Mais ouais, c'était cool. Et après, on a recroisé Météor, du coup. Après avoir tué le graveur, il y a Météor qui nous apparaît. Il vient vous aider pour. Il apparaît de l'autre côté de la tornade en fait, oui, voilà, côté ombre monde. Il vient vous expliquer que. Faut détruire les corps des deux côtés quoi. Ouais. Du coup c'est presque un exorcisme déjà. Ouais. Ouais. Ouais, non mais carrément. Mm-hmm. Parce que mine de rien, enfin c'était quoi ce qu'il y avait dans cette tornade, ça changeait tout le temps. Mm. Non. Ça devenait une salle de spectacle, ça devenait ci, puis ouais, ça vous rappelait rien ça. Mais tu pouvais, en fait, tu pouvais. Si c'est pareil que les corps. Les larmes des. Comme les larmes. Mais ça finit par un exorcisme. C'est marrant. Ouais, et on finit sur une nouvelle fois une coopération avec les quadrillacs. Ouais, avec Météor du coup qui revient se la péter. Ouais, mais du coup il nous attaque pas, on l'attaque pas. Ouais. Mais il nous dit plus ou moins que la prochaine fois qu'on se croisera. Voilà, là c'est parce qu'on avait besoin l'un de l'autre quoi. Ouais, il le dit. La prochaine fois, ça, on la prochaine fois on se la met quoi. J'attends ça, Coco. Non, mais ouais, et. On pouvait utiliser les ombres pouvoirs, du coup, vu que les deux sont plus ou moins. L'ombre monde et le monde réel sont plus ou moins fusionnés à cet endroit-là, donc ça justifie peut-être aussi le fait que c'est lui qui fait des ombres pouvoirs pour faire apparaître le théâtre et tout. Ah non. Non, tu penses que. Non, même pas. Non, ça se faisait tout seul, je pense. Ouais, d'accord. Ah, mais c'était. C'était chouette, moi j'ai beaucoup aimé le scénario de Graveur. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose même qu'on pourrait rapprocher de Cassis. Cassis qui s'accapare la larme d'Azilis. Avec Graveur là qui s'accapare. La larme de Métatron. Ouais. Quelque chose un peu comme ça, je pense, en tout cas, que la plus grande part de contrôle sur la larme vient de Graveur. Oui. Donc voilà, Graveur, vous revenez avec ton ancienne nounou que t'as retrouvé parmi les résistants et un petit millier de résistants, je crois, un truc comme ouais, ça. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Et je commence à faire des cauchemars. C'est le moment où je commence à alors faire toi, t'étais déjà au courant de moi, ce que je ça savais du coup ce et, que ça et je me rappelle qu'on a eu un échange de regards à ce moment-là. Quand tu sais, j'essayais de pas trop te fixer d'un air entendu, mais vraiment, j'ai vu ton regard changer. Je sais que je t'ai fait un petit regard en mode eh ouais, mon gars, et ouais, ça va être toi, je vais le pourrir ton perso tout beau là. Voilà, c'est là qu'il a commencé à faire en sorte que mon perso il puisse pas dans la direction que je veux. Et c'est là que t'as regretté que Simon soit parti. Ouais, du coup, parce que vraiment, du coup, Jem a avoué que du coup, si Simon était resté, c'est à lui que ça serait arrivé les cauchemars. Quoi. Ah, les petits cauchemars. Qui a amené. Les cauchemars, les trucs bizarres, sans mal dans le monde réel, mieux dans l'ombre monde. Tu te réveilles dans l'ombre monde et tout quoi. Nelly, qu'est-ce qui se passe? Non, c'était assez étrange. Mais ça a été très drôle parce que du coup, comme je savais où est-ce que ça m'amenait, on a beaucoup joué là-dessus durant les. Alors, c'est en revenant du Graveur que. C'était un scénar solo là qu'il a fait. Ouais, là j'ai fait un solo après Graveur. C'est pas juste en revenant de Graveur, enfin. C'est là que je t'ai posé mon ultimatum avec. Ouais, c'est là que je suis rentré de mission et que là, ma femme me dit que quoi que je choisisse, elle veut avoir un gosse. Donc s'ensuit un débat assez houleux qui vient sur l'adoption d'enfants et tout. Ouais, en fait, c'est ça, je finis par te poser comme truc. Si t'en veux pas, c'est. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'en aurais un toute seule. Il y avait assez d'orphelins. En plus, vous en avez ramené probablement de l'Alliance. Voilà, c'est parfait. Du coup, on a trouvé le compromis là-dessus. Quoi. Et du coup, ouais, moi, je pensais que ça allait peut-être être un peu houleux ou quoi. Et dès que j'ai posé cette solution, t'as fait ouais. Ouais, ça a été. Ouais, mais en fait, s'il est adopté, ça me pose plus de problème. Étant toi-même adopté. Voilà. Ça a été un bon compromis. Mais alors, du coup, on a été chercher un bébé chez les rebelles, enfin, les résistants, qui venaient juste de naître et tout, c'était trop mignon. Et là, comme j'ai bien senti que Jérôme essayait de me caler un enfant à mon personnage à tout prix, j'ai décidé d'appeler l'enfant Jérôme. Juste histoire pour marquer le coup, où j'ai dit oui au MJ. Du coup, est-ce que je vais tuer Jérôme un jour? À voir. Il a pas eu la varicelle dans son smeur. On se calme avec Jérôme. Donc voilà, je me retrouve avec un bébé. Oh, joie, c'était franchement pas mal. Ah, c'était mignon. C'était mignon. Voilà, ça a fait plaisir au MJ, ça a amené un petit peu de d'humanité à mon perso en plus, c'était chouette. Ouais, c'était bien parce qu'il commence à devenir ronchon là. Ouais. En plus, ça allait bien. Il avec commençait ton... sans il a pas fini comme on va le voir. Ça allait bien avec ton perso qui était très vie en plus. Ouais, c'était chouette. Toi, t'avais dans l'optique d'avoir une famille, c'est pour gonfler ta vie, t'étais branché pour ça. Ça t'allait bien. Et puis bah, du coup, de toute façon, avec le fait de faire des cauchemars, il fallait bien que ma vie apexe quoi. T'avais compris là du coup qu'il faudrait qu'il y ait une consomme de vie. Et là, Michel Cetra, dans toute sa splendeur, vient me voir en... Michel vient me voir pour que je lui rende un service. Et il m'explique que bah, du coup, il a prêté du pognon à des gens à Paris, machin et tout, et qu'ils veulent pas lui rendre le pognon. Donc il me demande de... Ouais, il y a une belle somme d'argent à gagner pour la résistance. Aller chercher sur place quoi. Le but, c'est de, voilà, c'est de négocier. Il te donne plus ou moins carte blanche, il me semble. Il dit Je te fais confiance. C'est ça. Va chercher mon pognon. Quoi. Ça avait l'air d'être une mission simple. Ouais, ça avait l'air d'être une mission pépère. Quoi. Bah, en fait. Alors là, c'est une mission que j'ai créée moi-même de toutes pièces. Je suis arrivé à Paris, je suis allé voir les gens qui n'ont pas voulu me donner l'argent, hein, qui ont été assez hostiles à ma présence, qui m'ont lâché des chiens, genre une vingtaine. Lâcher les chiens! Ah bah, on est à Paris! Un truc de fou quoi! Et que du coup j'ai enfermé dans une grosse boule en faisant un fait de Ulysse lié à Full Metal Alchemist. Yes. Histoire de calmer le jeu, de lui faire comprendre que c'était pas jouable quoi. Donc je repasserai pour voir qu'elle me rende l'argent qu'elle devait. En 2 heures, je me suis fait attaquer dans le bus, à coup de couteau. Ah oui, ils t'ont envoyé un mec pour te suriner vite fait dans le bus. Ils ont payé un type pour me buter. Quoi. Dans le bus, dans le bus, donc coup de couteau, répioïde qui s'active. En plein milieu des gens à Paris et tout. Tout le monde qui. Ah gros bad. Quoi. En fait, ils ont même pas vu le coup de couteau, ils ont badé parce qu'ils t'ont vu en armure. Ben ouais, du coup, je l'ai démonté, le bonhomme. Ouais, tu lui as cassé ça. Ouais. Et c'est là que la résistance m'a trouvé. La résistance parisienne m'a trouvé parce que du coup un type en armure ils avaient plus ou moins idée quand même de ce que ça représentait. Donc du coup je rencontre la résistance qui me disent qu'ils ont un type super important là qui est en prison, qu'ils ont un plan pour le faire évader machin et tout, donc ils me demandent un peu d'aide quoi. C'est la résistance hein, alors du coup évidemment j'accepte. Donc on est censé se retrouver plus tard. Du coup, je repars pour pouvoir aller chercher l'argent de Cetra. Et là, je me fais tirer dessus par un snipe en plein milieu de la rue encore. Ah, ils avaient le bras long, hein, ceux qui devaient de l'argent à Michel. C'était pas de la petite bière. Ah ouais, non, bah alors du coup, celui-là, je suis passé dans l'ombre monde, j'ai activé les ailes de mon armure, je l'ai repéré, j'ai repéré d'où venait le tir, j'ai foncé dans l'ombre monde vers la fenêtre et je suis réapparu dans le monde réel et je lui ai défoncé sa race à lui aussi. Tu vois, ça fait du bien des fois. Mais je l'ai pas tué. Non, je l'ai pas tué. Je les ai pas tués. À lui, je lui ai mis une grosse raclée et je lui ai dit de faire tourner le mot que le prochain, il y passe. Ah, du coup, j'ai eu l'argent. Ils ont envoyé Léon et que Léon est revenu avec les dents cassées. Ils ont fait bon. On va le payer quoi. Et je me suis passé en pleine nuit chez eux et tout pour aller chercher le pognon quoi. Je lui ai pas laissé le choix, la petite vieille quoi. Ah non, mais parisien. S'ensuit du coup que je vais aller aider le résistant qui est emprisonné et pendant qu'on attend pour aller chercher à la prison, c'est là qu'on me parle d'une île où les gens partent pour travailler soi-disant, que l'Omicron les emmène et tout, mais on les revoit jamais. C'est le médecin qui me dit ça, avec qui j'avais sympathisé là. Ah oui, c'était quoi son nom? Aurélie je crois. Ouais, c'est possible. Ouais. Il me semble que c'était un truc comme ça qui du coup me raconte ça. S'ensuit le plan pour aller chercher ce parisien dans la prison. Donc on a tout un plan, on fait péter des murs, on ouvre des portes. Alors pour ce personnage, je me suis inspiré pour la petite histoire de du personnage de Vaquette dans le roman de Vaquette, Je gagne toujours à la fin, où le mec, quand il dit quelque chose, il en démord pas, et même rendu devant les autorités, qu'on lui tend des perches pour lui dire non, mais t'as peut-être pas voulu dire ça, et tout, lui, là, si, si, j'ai voulu dire ça, pourquoi vous me faites dire ce que j'ai pas dit? Enfin, un emmerdeur, quoi. C'est... non, mais un truc de fou, quoi. Mec, il arrive et... Moi, j'y arrive, j'avais déjà passé une sale journée. T'arrives et le mec, il te dit non, et moi, je suis bien en tôle, je vais rester. On a monté tout un plan, on a tout fait péter, on a le micro au cul et tout. Et lui, il me dit, bah non, mais je suis bien dans ma cellule, quoi. Du coup, je lui ai mis une droite. Du coup, je lui en ai mis une. Il a voulu sortir, après. On n'est pas bien dans la cellule. Bah non, mais du coup, je lui en ai mis une, je l'ai sonné et je l'ai emmené. On l'a amené au repère, et là, quand il est arrivé au repère, qu'il a repris ses esprits, il a commencé à gueuler après tout le monde parce qu'il voulait pas sortir de prison. Du coup, je lui en ai remis une. Voilà, et ça a été une très très très mauvaise journée pour mon personnage. Ça avait l'air il a un très mauvais souvenir de Paris à cause de ça, mais les Parisiens, c'est tous des fous, quoi. Franchement, non. Non, c'était pas jouable. Et là, on arrive sur la fin du scénar, et on me dit que Aurélie, du coup, le médecin, ouais, s'est engagé sur le bateau, machin et tout, mais qu'on revoit jamais les gens et qu'on sait pas ce qui s'y passe, et que du coup, on a peur qu'on fasse des expériences sur des gens, machin et tout. Et du coup, plutôt que de rentrer au pôle sud, me v'là à monter sur un bateau pour l'île mystérieuse de l'Omicron. Il y avait des tracts et tout, il me semble qu'il y avait des tests à passer, ouais, médicaux et tout. J'ai appelé ça Yume. Alors, pour ceux qui veulent retrouver ça en tant que MJ, c'est le scénario de Christophe LBJ, il me semble, qui est disponible sur le site de Sens. Il porte le nom Omnium Oppidum, un truc comme ça, en latin. Et c'est exactement le même scénar où c'est un peu le truc, c'est que ce soit une ville de rêve ou je sais plus quoi, au niveau des termes employés, c'est un truc comme ça. Et du coup, moi j'ai décidé d'appeler ça Yume, qui est le mot japonais pour rêve. C'est à peu près une des rares modifications que j'ai fait, parce que sinon son truc est pas mal. Enfin voilà, c'est. Et du coup, ouais, ça part du sur... Du coup, Yume, quoi. Alors, Yume, c'est un endroit où l'Empire, du coup, a réussi à redonner vie à la Terre. Ils sont en train de construire une ville et tout. Enfin, genre, quand je mène mon enquête, je me fais embaucher et tout. Quand je mène mon enquête, les gens, ils sont heureux d'être là. Ouais, tout va bien, en fait. Tout se passe nickel, quoi. Ils sont en train de reconstruire. Ouais, ouais, non, tout, mais c'est trop la fête, quoi. Ils mangent bien, ils sont bien traités. Enfin... Il y a des écoles qui se font. C'est ça, Puis il y a la nature, quoi. Il y a des fleurs, il y a de l'herbe. Puis tous les gens avec qui tu parles ont des projets. Ouais. Il y a ce mec qui est architecte, qui bosse sur ça. Il y a cette nana qui est médecin, qui veut gérer un hôpital. C'est trop des fous, quoi. Et du coup, à un moment, je passe dans l'ombre monde pour voir. Pour voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'en est, quoi. Et là, bah, je tombe sur la même ville, mais comme si j'avais fait un voyage temporel d'au moins 10 ou 20 ans, quoi. Avec plein de lumière, la ville, elle est totalement construite et tout. Il y a même, enfin moi j'ai vu des plans de l'architecte dont on parlait, qui parlait de monter une arche. Il avait des plans super chouettes et tout. L'arche elle était montée, elle était entière dans l'ombre monde. Pareil pour l'hôpital de Aurélie, on l'appelle, c'est pas son nom en fait, mais on va l'appeler comme ça. Parce que sinon ça va être Jacqueline. Mais ouais, l'hôpital qu'elle voulait gérer, elle le gérait maintenant. Ouais, je crois même qu'il portait son nom, l'hôpital, je sais plus. Mais voilà, enfin la ville était montée et tout. Et enfin c'était assez stupéfiant. Bah, c'était vachement bien, quoi. Disons, waouh, l'ombre monde, il déchire, quoi. C'est ça, et du coup, je me sentais totalement inutile, quoi. C'était assez bizarre, parce que du coup, j'étais sur une mission où, j'ai rien à faire, quoi. En fait, tout se passe bien, et c'est pas une mission, quoi, c'est une promenade de santé, quoi. C'est un peu comme les journalistes modernes qu'on paye à aller dans des hôtels, bouffer des restos, et filmer des portes. C'est important de filmer des portes. Faites bien gaffe à la télé, le nombre de journalistes qu'on envoie sur place pour filmer des portes, bouffer au resto et aller à l'hôtel, c'est assez dingue. Et du coup, je tombe sur un quadriga. Je me souviens plus de son nom. Ah, c'était pas... Oh là. Ah merde. Non, c'est pas très grave. Peu importe. Enfin, je tombe sur un quadriga qui du coup... C'était pas Espoir ou un truc comme ça. Ah bah si, du coup, il s'appelait Tête Espoir. Ah si, c'est ça, bien vu, t'as mis ça à chercher dans le manuel. Oui, parce que c'était un truc qui était trop bien, tu sais, qui était... Qui était lié et tout. Et du coup, qui m'explique que ça fait genre 10 ans qu'il travaille à cette ville et tout. C'est lui qui a fait en sorte qu'elle soit montée, machin et tout. Parce que il m'explique du coup que notre présence a détruit plein de trucs dans leur monde et tout. Alors, j'en crois pas un mot, on est bien d'accord à ce moment-là. Jusqu'à ce que, on a une discussion, on se quitte plus ou moins en bon terme, même si lui, il me dit plus ou moins expressément de me barrer, avant qu'il s'énerve. Mais sinon, on part plus ou moins en bon terme. Du coup, moi, je reste dans l'ombre monde, et je vais dormir sur l'arche. Arche qui, mon réveil, est tout craquelé, fissuré, et tout ce qui s'ensuit, hein, qui finit par exploser, d'une jolie lumière bleue. Voilà, donc j'ai évidemment, avec ce que m'avait expliqué Espoir sur le fait qu'on détruisait leur monde, j'ai un peu badé. En fait, c'est vrai, on est des voleurs de vie. C'est ça, quoi. J'ai trop accroché à l'hypothèse où, en fait, le problème, c'était pas eux, c'était nous, quoi. Et ça a été assez particulier. Enfin, j'ai pété un plomb. Littéralement, mon perso, il a pété un câble. Bah, tu t'es barré, je crois. On lui a dit de partir, il a fait OK. Et il a couru. Ah oui, parce qu'en plus, t'étais en pleine transformation en Kadria. Du coup, je me suis mis à courir dans l'ombre monde. J'ai couru du Yume, qui est quelque part, je sais plus, dans le Pacifique ou une connerie comme ça, là, jusqu'au pôle sud. J'ai couru sur l'eau, dans l'ombre monde. C'était pas dans le Pacifique, il me semble que j'avais situé ça vers l'Europe de l'Est. Ouais. Ouais. Peut-être Moyen-Orient, mais enfin, il y a. Bah, ce serait plus logique, du coup, envers l'Europe, puisqu'il était à Paris, le bateau il doit pas aller si loin que ça. Il me semble que j'avais regardé le. Oui, enfin bref, peu importe, j'étais loin. Oui. T'étais très loin. J'étais très loin. Et du coup, j'ai fait toute la distance en courant. Ouais, parce que là, j'avais fait en sorte que tes ombres pouvoirs remontent comme un quadrilla, ouais. En fait, le temps de ce truc-là. Et du coup, mais si je l'utilise juste comme ça, en restant dans l'ombre monde, ça va se recharger. Quoi. Donc, ce qui a été assez badant encore pour mon encore personnage. Plus badant. Tu lui as retourné l'esprit. Ah ouais, non, ce scénar, ces deux scénars-là, parce que Paris a été super dur, ces deux scénars-là ont bien tourné la tête à mon perso. Quoi. Du coup, mais c'était chouette, parce que du coup, ça allait quand même dans le sens de ce qu'ils pensent des quadrillas. Donc, du coup. Ce qui est rigolo, c'est que Paris, au départ, ça devait être une excuse. Pour te faire un peu visiter Paris et après t'envoyer sur Yume. Quoi. Et au final, ça a fait un scénar. Quoi. Ouais. Ouf, déjà là, ça en fait des trucs là. On en fait un petit dernier. Un petit dernier Surtout que c'est. C'est du lourd. Ouais, c'est du très très lourd. Ouais, c'est du lourd. Du gros lourd qui tâche, du gros rouge qui tâche. Ah ouais. Ah, c'est le scénario 99. Le scénario, l'épreuve 99. Et oui. On a donné le nom d'une épreuve. Et 99 pour le coup. 99. Ah non, mais il était. Épreuve 5, 99, quoi. Ah non, mais on a. Du coup, là, on a joué tous les deux. Ouais. On était de retour en équipe. Et moi, je voyais qu'il allait pas bien. Parce que il me le disait, non mais attends, il m'est arrivé ça sur Yume, il m'a raconté qu'il venait d'avoir un enfant aussi, donc on a commencé à pouvoir se rapprocher un peu. Ça a commencé à se calmer là, ouais. Et on s'est dit, en plus, à partir de ce moment, là, tu vois, 99 revenait toujours pas, on était toujours que deux sur l'émission, et on s'est dit, voilà, de toute façon, on n'a pas le choix, quoi. On est deux, on est obligé de faire confiance l'un à l'autre, c'est lui qui protège notre cul, et c'est ce qu'il disait à Laura, il disait, t'inquiète pas, il y a un gros bourrin qui me protège mon cul, et j'ai rien à craindre, quoi. Juste, j'ai oublié de le préciser, mais je sais même pas si tu t'en étais rendu compte, en fait, mais à Yume, une des personnes que t'as rencontrées, c'était une nana qui s'appelait Sarah. Peut-être bien. C'était sauveuse. Ah ouais? Oh non, mais j'étais trop pris par autre chose sur Yume. Non, mais cherche pas. Mais c'était sauveuse, elle était là, elle traînait encore dans le coin. Yume était une partie à jouer très très particulière. Quoi. L'ambiance qu'on a créée du coup pendant cette partie-là a été très très lourde, j'ai trouvé. Ouais, c'était cool. Oui, c'était cool en soi avec le recul, mais sur le moment, c'était vraiment très difficile. Est-ce que c'est au début de l'épreuve 99 que je t'ai fait rencontrer Marissa? On n'est pas sûr, on sait plus si c'est celle-là ou celle d'après, mais au final ça change peu de choses. Ouais, on va dire que c'est là, il me semble que c'est là. Hein. Mais du coup, en début de partie, pendant que lui il a ses problèmes de son côté, moi je rencontre une jeune femme rousse qui s'appelle Marissa et qui cherche le laboratoire du docteur Solipsis. Voilà, parce qu'elle est censée aller y travailler, mais elle connaît pas le chemin. Donc du coup, c'est déjà un peu. Tiens, je suis au pôle sud, je connais pas le chemin du mur. Et j'ai pas tilté. Toi, tu l'as accompagné et tout. Non, moi, je lui ai dit où c'était. Et après, je lui ai dit, non, attendez, c'est compliqué, je vais vous accompagner jusque là-bas et tout. Du coup, je l'ai accompagné. Et on a gardé contact. Oui, voilà, vous avez échangé vos prénoms, tout ça. Ah, et non, mais je crois qu'on s'est revus dans la soirée, on a été boire un verre ou un truc comme ça. Ah, bah oui, c'est la fameuse scène. Pour un verre, ah, c'est si. Toi qui bois. Si, bah si, c'est forcément ce scénar, parce que du coup, c'est. On a été boire un verre et je crois qu'après le verre, on s'est retrouvé avec. On devait aller voir Wilfried pour lui demander de venir avec nous sur la mission 99. On voulait des renforts. Oui. Ah oui. Donc, alors, du coup, pour revenir sur le verre, du coup, vite fait, parce que c'est elle, donc Marissa, donc qui est sauveuse, hein, toujours. Ouais. Qui t'invite à boire un verre. Elle m'invite à boire un verre, mais en fait c'est pour que moi je boive un verre, quoi. Voilà, parce que alors, je sais plus ce que tu prends, toi. Je prends une bière ou un truc comme ça, et elle prend un grand verre de lait, et sauf qu'elle le boit pas, quoi. Ouais, et il y a le moment où tu lui fais remarquer, mais tu bois pas et tout, puis elle te répond en souriant, j'ai pas soif. Ouais. Du coup, j'ai... non, il a laissé couler. T'as l'impression qu'elle te drague, mais en fait non, c'est qu'elle peut pas manger. Et non, mais du coup, ça s'est resté longtemps après, parce que avec Marissa, lui il va péter les plombs sur le fait qu'elle mange pas, et moi pendant longtemps j'en ai rien eu à carrer. C'était tellement évident, quoi. Ouais, moi j'ai... Même pour enfin en le jouant en roleplay, c'était tellement évident, quoi. Ah bah non, mais c'était. Et, moi, et puis attends, mais c'est Marissa, elle était belle, intelligente, elle connaissait Solipsis, elle savait régler tous ses problèmes, elle était relativement. C'était une bienfaitrice, quoi, parce qu'elle avait aussi sauvé des réfugiés de Nouvelle-York et tout, en leur permettant de trouver un toit. Elle travaillait sur le projet Renaissance, d'après ce qu'elle disait. Mais ouais. Elle le drague lui, quoi. Non, il y a forcément un problème, on est bien d'accord. Et mais du coup, on s'est fréquenté, genre je l'avais comme professeur parce que j'étais censé être apprendre à lire et tout, conjugaison, grammaire. C'est vrai que tu savais pas lire. Ouais, un truc du genre. Ouais. Ce X6 c'est ces trucs de on va enseigner aux gamins ce que. Ils veulent apprendre. Qu'est-ce qu'ils veulent apprendre, ouais. Bah non, lui il voulait pas apprendre à lire, il voulait apprendre à taper. Ouais. Ah, ça a été utile quand même. J'avoue. Non, mais du coup elle m'a appris à lire. T'as essayé de me caler le petit prince dans les mains? Oui, elle t'a dit tiens, si tu veux apprendre à lire pour commencer, c'est simple et tout. Il y a Moby Dick ou le petit prince? J'ai pris Moby Dick. Même quand il fallait faire un choix tout con, tu vois, bah je faisais le mauvais. Non, mais du coup, voilà, on passait du temps avec Marissa et on commençait à se rapprocher aussi avec Trevor. Ouais, c'était cool. Et on a fait beaucoup de social sur cette partie et en fait, au bout d'un c'est moment. C'est pas là que t'as fait ton barbecue, toi? Si, pour fêter le gamin là. Ouais. T'as fait un barbecue où t'as invité ton père adoptif, la tata adoptive, il y avait Maria, il y avait Gladius, ouais, il y a vous qui êtes arrivé. Elle devait venir. Elle devait venir, Marissa, mais elle est pas venue. Elle aurait eu du mal à justifier qu'elle mangeait pas un barbecue, quoi. Bah ouais. Et oui. Et au début, elle avait dit, ah ouais, ouais, vous faites quoi un barbecue? Bah on mange et tout. Mais on fait quoi d'autre? Ah bah c'est ça, on bouffe, quoi. Ah ouais. Bah non, je vais pas venir. Non, mais du coup, on a commencé à se rapprocher. Ouais, on a fait en sorte, quoi. Ouais, c'était bien. Et il y a Gladius Sword qui nous a demandé un moment de venir chez lui et il nous dit, voilà. On a appris que les forces de l'Omicron se rassemblaient sur telle île. Alors, c'était là, pareil, c'était pas une île, c'était au Chili. C'est... Ah, merde, c'est un plateau qui est vachement connu, en plus, où il y a une place... Ah. Bon, tant pis. C'est au Chili. Voilà, je le mettrai dans les commentaires. Il nous explique que l'Omicron se rassemble parce qu'ils doivent récupérer une arme d'une puissance commensurable qui pourrait changer le cours de la guerre. Donc déjà ça se place comme ça et on fait du coup on va y aller et je vais venir avec vous. Ouh. Du coup là il y a Gladius, quoi. Gladius a mis ses rangeons là, il est prêt. Et il nous a demandé de voir avec Wilfried s'il était pas chaud pour venir aussi. Du coup il a fallu qu'on aille convaincre Wilfried. Mais du coup on n'en sait pas plus, quoi. Alors, j'étais pas pour que Wilfried vienne. Au final t'étais bien content. Ouais, mais au final j'étais bien content, on est d'accord. Mais sur le moment, quand Gladius nous sort ça, c'est attends, papa. T'es sûr que c'est une bonne idée? Tu fumes du crack, papa? C'est ça, quoi. Mais du coup, ouais, on a réussi à convaincre Wilfried. Et on devait. On se fait juste un débrief de la mission et tout. On nous donne des cartes genre du truc, on nous dit voilà. Et là, je vous fais le truc, c'est Mission Impossible. Ah ouais, non, mais c'est horrible. Alors là, c'est pareil, je me suis inspiré de, encore une fois, de Je gagne toujours à la fin, écrit par Vaquette, où il y a un passage un peu similaire, où il y a un bunker tenu par des Allemands. Et il y a une quarantaine de projecteurs, je sais pas combien de soldats mis en place, il y a 8 mitrailleuses lourdes. Ah ouais, mais là, c'était ça, c'était l'idée. On avait 3 bunkers là. On avait un bunker sur la colline, un bunker sur la colline d'en face, armé jusqu'au nord, et un bunker entre les deux collines. Et il fallait qu'on aille au bunker entre les deux collines, parce que c'était là que devait être l'arme. Ouais, en fait, enfin, il y en a un, c'est un tout petit bunker, vraiment, qui tient une mitrailleuse et tout. L'autre bunker, c'est un truc vraiment souterrain qui contient l'alimentation électrique et tout le réseau, quoi, qui est nécessaire pour faire tourner la base. Et le troisième bunker est le vrai centre névralgique du truc. Du coup, on a pris l'option, on débarque au pied de cette colline, on traverse jusqu'au bunker et on récupère l'arme. Sachant qu'on nous explique qu'on a plus ou moins 2 heures grand max pour faire ça, puisque en deux heures il y a Ghost qui arrivera avec son vaisseau et qui seront en position pour nous placer un tir géostationnaire dans la tronche. Donc du coup, grosso modo, on a 2 heures pour récupérer l'arme. Et c'est la grosse merde. Je rencontre Classis pour la première fois. Il part en hélico. Il sait pas piloter. C'est Cusco, je viens de me rappeler. C'est la ville ou l'endroit où les ruines de Cusco. Donc j'avais placé le truc. Et oui, en prenant l'hélicoptère vers Cusco, du coup, on rencontre Classis qui pilote l'hélicoptère. Mais en fait, voilà, vous êtes dans l'hélicoptère qui est en train de partir et vous êtes déjà en l'air et tout. Et puis d'un seul coup, le pilote, je sais plus ce qu'il vous sort. Mais... Il commence à nous parler. Il vous dit des conneries. Et après, il saute de l'hélico. Sans parachute. Et Wilfried nous dit, même pour moi qui suis mortel, une chute comme ça... Ça fait un moment pour se remettre, quoi. Mais du coup, voilà... Première rencontre pour moi avec Classis, et du coup, c'est quoi ça? C'est du sans parachute. Mais sans parachute. C'est Wilfried, je crois, qui nous dit que c'est Classis. Il me dit, ça me rappelle quelque chose ou... Je sais ou c'est plus. Pas... c'est peut-être Solipsis plus tard, je sais plus. Ouais, peut-être. Ça doit être Solipsis plus tard qui a dit ça ressemble à Classis. Ouais. A du Classis ou ça ressemble à mon mentor, peut-être. Juste. Ouais, elle a dû dire ça. Puisqu'après, il y a tout le délire, tu sais, quand elle disait mon maître dirait que c'est sens ou des trucs comme ça. Donc, ouais, c'était... très bien. Mais du coup, on arrive à Cusco. Ah, Cusco, ouais, donc c'est la merde, il y a des jeeps, il y a des mitrailleuses, il y a des tanks, il y a des hélicoptères. On a traversé ça vite fait, hein. Moi j'ai utilisé un fait de cellulite pour nous protéger de toute la traversée, j'ai découpé tous les barbelés qui étaient sur le chemin avec mon épée en armure, on est arrivé au bunker et là on est rentré. Ouais, là, on l'a torché à l'extérieur. T'as défoncé un tank au passage et tout. Non, le tank c'est dans l'autre bunker, c'est dans le petit bunker. On est arrivé, on a ouvert la porte et là il y avait une escouade. Avec un tank au milieu. Et là, je me suis demandé, est-ce que ça se découpe avec une filonite? Est-ce que décapitation peut décapiter un char? Crac! Ah bah en tout cas, ça fait une belle fente, quoi. Et du coup, on a massacré tout ce qu'il y avait sur le chemin. Bah c'est là que t'as mis, ouais, t'as mis un ou deux coups sur la gueule du char et t'as lâché une grenade dedans. Ouais. Et après, tu m'as fait faire un truc qui était trop classe, j'ai trouvé. C'est en fait, t'as expliqué, il restait un mec et c'était mon tour d'agir. Alors j'ai couru, j'ai balancé mon épée. Et je l'ai découpé, et tu m'as dit, voilà, vu que t'as une certaine distance, là, ton épée a disparu, et elle revient directement sur ton armure. Et du coup, j'ai trouvé ça trop classe. Juste un truc que t'avais précisé, mais... C'était bien pratique, en fait. C'était bien pratique. Du coup, je pouvais la balancer si je voulais, et puis revenir à l'armure, quoi. J'avais plus qu'à la ressortir, et puis hop. Donc ça, c'était classe. Mais là, une fois qu'on a fini toutes les squads et les chars... Qu'on a déjà pris bien cher, quand même, hein, parce que fois où ils agissent, quand même. Il y a qui? On a peut-être quelques gars à nous... Mais ils sont en train de gérer les autres bunkers. Vous êtes avec Gladius et Wilfried, ils s'occupent des éclairages, Gladius découpe à tour de bras. Et là, il y a 5 quadrillas qui arrivent. Et là, il y a Wilfried qui dit continuez devant, je m'en occupe. Alors là, on a fait bon. Moi, lui, il était pas très chaud. Toi, t'étais pas très chaud pour qu'on laisse Wilfried. Bah ouais, mais c'était 5. Et là, moi, je me suis dit. Bon, allez, vas-y, on laisse. Il en a déjà fait un à main nue, là, il a une armure et tout. On peut le laisser. Ouais, alors ces 5 quadrillas, en fait ils étaient 7, hein. C'est une escouade que j'ai inventée pour l'occasion, que j'ai pas du tout développée. Mais s'il y a des MJ qui veulent reprendre l'idée ou quoi, ça peut être cool. Je m'étais inventé une espèce d'escadron de quadrillas de vie, renégat du reste des quadrillas de vie, en fait qui ne croient pas du tout en Siodi Kranisten. Ouais. et qui du coup eux sont allés voir Miphos et les Quadriades Cosmo. Ah non, ouais. Miphos et Quadriades. Pour ils ont pas trahi jusqu'au bout, tu vois. Ils ont pas révélé le plan Carnistène à Miphos, mais ils ont dit bon bah ouais, on a besoin de des techniques de Cosmo pour bien savoir se battre et pour défoncer la résistance, sachant qu'eux, ils ont pas envie de servir de punching ball. Voilà. Donc, et en fait, avec ces persos-là, clairement, je me suis dit, je vais jouer les règles comme si j'étais un joueur et je vais leur savater la tronche. Je vais gérer les règles du mieux que je peux. Ces gars-là, ils ont eu un entraînement avec les Quadriades de Cosmo. Ils sont appris à se battre avec Hélium et Hydrogène. Voilà, c'est pas des Mickey. Quoi. Mmh. Du coup, ça a été délicat comme combat, de toute façon. Du coup, nous, on laisse Wilfried et on se met à courir. Et là, on a vu que Papa Sword... Il traçait! Parce que du coup, tu nous disais, ouais, c'est qui a le plus en KO là? Alors je dis, moi j'ai tant, c'était moi qui étais le plus élevé de nous deux. Et il fait, bah, Gladius Sword, il prend de l'écart. Et il continue. Il continue d'avancer, il va plus vite que toi. Gros score de KO, Gladius Sword. Il me fait, du coup, je trace pour essayer de le rattraper et tout. Et il me fait, bah là, tu passes une pièce. Oui, voilà, et... Là, tu passes une pièce, une première pièce. Et t'arrives dans une deuxième. Et au moment où j'arrive dans la deuxième. BAM! Je me prends un grand coup. Ouh, les saturations encore. Ouais, je me prends un grand coup de coude dans la tronche et il y a un quadrillage devant moi. Ouais. Et il y a une porte qui se fixe entre les deux salles. Du coup, il y a moi qui est enfermé dans une salle avec un quadrillage. Et moi qui suis dans l'autre, quoi. Avec un autre quadrillage pour le coup. Et une là, porte, coup, c'est un porte, c'est un nombre pouvoir. Ouais, c'est une barrière. Ouais. C'était une barrière, hein, ça. Ouais. Et du coup, nous voilà en train d'affronter Victoire. Et virtuose. Ouais, parce que tous mes quadrillas de l'escadron où ils étaient 7 là, où j'en ai sacrifié 5 pour rien, je m'étais fait chier à leur trouver des noms où il y avait vie dedans. Il y avait victoire, virtuose, vice. Et puis comme les autres, ils s'appelaient un peu Jean-Jacques parce que Wilfried les a tous tués, je me rappelle plus, mais il y en avait un paquet comme ça. Vipère, je sais plus quoi. Coup, nous voilà avec un quadrillage chacun. Ouais, un spécialisé en combat à distance et l'autre corps à corps. Ouais. Moi j'avais le corps à corps et toi t'avais celui à distance. Ouais, c'était la galère. Et du coup, moi j'ai commencé à vouloir discuter avec le quadrillage suivant ce que mon personnage y fait, ne sachant pas que le quadrillage est un rebelle. Hein, commence à essayer de taper la discute. Quoi. Ça n'a pas été très fructueux. Non, il t'a mis des coups de poing. Ouais, il a commencé à me shooter. Moi je l'ai savaté direct le mien. Moi j'ai pas cherché. Je m'étais pris des BG en plus à cause du coup. Oui, parce que en fait voilà, ces quadrillas là, comme ils connaissaient les règles, ils se servaient de leur ombre pouvoir pour coller des blessures graves, pour augmenter leur rune de mort et pour vraiment affaiblir l'ennemi en utilisant ce qu'ils connaissaient des règles. Enfin, ou de ce qu'ils en avaient compris. Et du coup, bah voilà, vous vous retrouviez vite avec des malus dans vos runes, alors qu'eux ils se retrouvaient avec des boosts. Ça leur coûtait très cher en nombre d'énergie, mais on a commencé à prendre très cher, et c'est là que j'ai placé pour la première fois le clignement. Le clignement, alors ça faut qu'on en parle. Le clignement, ça a été le je cours, j'ai un sabre avec mon armure, je cours vers l'ennemi. Au moment où j'arrive sur lui qui se prépare à encaisser le coup. Je passe dans l'ombre monde, je réapparais derrière, je mets un coup. Ouais. Genre, je fais trois pas et je me retourne et je repasse dans le monde réel et pouf, coup dans le dos, quoi. Passe. C'était trop bien. Ouais, ça, parce que du coup, je t'ai donné le bonus, je crois que c'est plus 25 quand on tape dans le dos ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça cool, j'ai autorisé ça comme ça. Sachant qu'on peut faire 5 trucs dans un tour de combat de sens. Parler, se déplacer, taper, ombre pouvoir et fait de cellulis. Je me suis dit que en lieu et place d'ombre pouvoir, un petit passage dans l'ombre monde et revenir pour 2 points, c'était cool. Ça marche. Oui. Du coup, Tom l'a vu. Tom a vite compris. Oh putain, on peut faire ça. Et là, du coup, j'étais en train d'affronter Victoire et en fait, Victoire, lui, il a commencé à me poser problème parce que j'ai calé mon premier coup et lui, il m'a recalé des BG, donc je pouvais plus l'attaquer, ça pouvait plus passer. Et lui, en plus, il avait augmenté sa rune de vie, ce qui faisait qu'il m'esquivait super facilement. Ah bah y'a rien qui passait. Y a rien qui passait. Et là je me suis dit. Je crois qu'il était rendu à 120 de rune de vie ou quoi. C'était horrible. Et du coup là je me suis dit mais attends mais comment je vais faire? Je peux pas utiliser d'ombre pouvoir ici. J'avais été volontairement radin en point d'immersion. Je me suis dit mais attends comment je vais faire? Là franchement j'ai eu peur. Face à Victoire j'ai eu peur à ce moment-là, je me suis dit merde, je vais faire comment? Parce que je voulais pas passer dans l'ombre monde, parce que je voulais pas risquer le choc ontologique, mais je pouvais pas utiliser les ombres pouvoirs dans le monde réel, ce qui fait que j'arrivais pas à passer ces runes. Et là Rafi a fait le clignement. Et là Rafi m'a sauvé la vie. Parce que Rafi quand il a fait le clignement après j'ai fait oh, est-ce que je peux faire ça? Et là j'ai tenté un truc de malade. Parce que ça a été le moment où. Épique. Je savais déjà qu'on pouvait faire ce genre de truc, mais ouais, tu... Enfin, vas-y, raconte. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le système du clignement. Et j'ai demandé à Jay avant, j'ai fait, ouais, est-ce que quand tu tombes dans l'ombre, quand tu tombes dans le monde réel et que tu te téléportes dans l'ombre-monde, tu continues à tomber? Et là, il me fait, ouais, il y a l'inertie entre les deux. Et là, j'ai fait, ok. Du coup, je suis passé dans l'ombre-monde. Je me dirige vers Victoire pour lui mettre un coup. Et en fait, je pars sur un coup qui va faire une vrille. Je me téléporte dans l'ombre-monde. À ce moment-là où j'arrive dans l'ombre-monde, tout de suite, j'utilise un ombre-pouvoir pour augmenter ma rune de mort en tournant beaucoup plus vite. Et en me téléportant, grâce à l'inertie, ma rune de mort est maintenue. Et j'ai pu passer Victoire. C'est ça. Donc, en fait, t'as trouvé un moyen d'utiliser les ombres-pouvoirs dans la réalité. Ouais. De façon bon instante quoi, parce qu'il faut que ce soit en même mouvement. Non mais c'est instant de toute et ça façon. Peut pas être intellectuel ou quoi parce que t'analyses pas les mêmes trucs si tu changes de monde, mais et... c'est vrai que si c'est juste pour te augmenter ton inertie et tout, bah moi j'ai pas trouvé de raison logique de te dire que ça marchait pas et du coup ouais, ouais ok t'as regardé dans le bouquin et t'as fait ouais non mais c'est marqué même direction même vitesse et là t'as fait donc ça passe et là bah Victoire il a tenu beaucoup moins longtemps quoi. En parallèle, on a commencé à venir t'as eu Victoire à un moment quoi. Bah on a eu Victoire, mais on s'est mis à deux. J'étais venu t'aider sur Virtuose et Victoire m'a rejoint parce que il a dit ouais genre t'es voilà t'as voulu me laisser et du coup après on a défoncé Victoire, Virtuose s'est échappé. Ouais. Mais on a défoncé les quadrillas. Virtuose s'est échappé. Ouais, Virtuose s'est échappé. Ah oui. Ah oui, oui. Oui, elle a disparu. Ah oui, oui, d'accord. C'est vrai. Il y a du langage, du langage corporel qui s'exprime, mais oui, on en parlera plus tard. Et Virtuose, du coup, s'échappe et les portes s'ouvrent, du coup. Wilfried nous rejoint, il s'est fait les 5. Nous, on a réussi à se faire les nôtres, c'était bien. Et on reprend le chemin quand on essaye de rattraper Gladius. Gladius qui s'est pris une branlée par Ghost, qui est déjà arrivé sur place. C'est ça. Ghost qui est déjà sur place. Et on voit là quand on rentre dans la pièce. L'arme. On voit l'arme, du coup. Et l'arme. Bah, avec Ghost d'ailleurs. Avec Ghost, qui s'apprête à repartir en fait. Il y a Ghost et l'arme qui sont là, toutes les deux. Et qui s'apprête à monter dans le vaisseau. Et l'arme, c'est 99. C'est votre ancienne amie. Voilà. Ouais. Et du coup, voilà. La trahison, quoi. Du coup, c'était définitif. Maintenant, on savait que Simon ne reviendrait pas. Mais là, 99, il a trahi le tout, quoi. Alors, il là, a tout donné, quoi. Ouais, je m'étais bien préparé. J'avais rappelé Simon, qui avait dû effacer mon numéro entre temps, parce qu'il avait pas il avait un peu halluciné. Ouais, c'est moi, tu sais, si, le MJ de sens. Ah! Bon, ton perso, c'est sûr, il reviendra pas. Oui, c'est sûr, il reviendra pas. Ok, alors du coup, après un moment où je passe ici, là, chez toi, Rafi, je te fais, ouais, t'as toutes tes notes sur sens. Tu crois que je pourrais récupérer la fiche de Simon pour voir J'avais récupéré sa fiche parce que c'est Rafi qui nous garde tout. Mais. Ouais, non, mais du coup, c'était super bien. C'était super intense. On l'a absolument pas vu venir. Et quand on est arrivé devant le fait accompli, bah on est resté comme des cons. Bah surtout que nous on était vidés qu'on avait plus d'on. Ouais, nous on avait pris trop cher déjà, mais même enfin. Un Ghost et 99, vous auriez pas tenu. Non, bah non, puis on était choqués par le fait que 99 du coup allait partir avec Ghost, tu vois. Bah en plus, ouais, c'est ça, c'est. Après, bon, il y a eu la théorie du bah peut-être qu'en fait. C'est un agent double, tu vois. Ouais, mais c'était bon, dur à nous faire avaler, mais Solipsis a trouvé les mots en nous disant que, dans un sens, vu que nous, notre combat, il est contre le déterminisme, que 99 est un bug et donc pas déterminé, ça va amener de l'indétermination aussi sur Mars. Ouais. Il va quand même servir la cause. Il va quand même servir la cause, quoi. Mais... Elle essaye de nous faire avaler la pilule. Ouais, ça a été super bien. C'est à trois quarts plein, quoi. Ouais, du coup, c'est là qu'on a commencé réellement à beaucoup s'entendre avec Jacques. Parce qu'on avait un objectif commun maintenant. Là, voilà, maintenant on a des objectifs communs. Qui sont Botter le cul à 99. Voilà. On va le trouver, on va le choper. Et on va lui mettre une raclée comme jamais il en a pris une, quoi. Ah ouais, il va. Ah ouais, mais lui, il va. Lui, il va prendre super cher. Lui, il va queener. Et on va avoir plein d'objectifs communs comme ça qui vont se créer à partir de là, quoi. C'est vrai que c'est, ce scénario, ouais, c'est le César qui nous a liés. Ouais. Avec Gladius aussi, qui a quand même pas mal fait le bouin pendant l'assaut chaud, et tout, c'était chouette. Ah bah là, on s'est quand même senti puissant. Après, on s'est dit, voilà, il y avait deux quadrillas de vie, on se les a fait, c'était super tendu. Même à deux, ça y est, c'est passé. Donc même moi, quand on m'a acclamé le tueur de quadrillas, j'ai levé l'épée, quoi. À ce moment-là. Bah, virtuose du coup, et Victoire ne pensant pas comme les autres, je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Bah non, du coup, je vous révèle un peu les coulisses. Le truc qui est sur le. Enfin, avec tout ce qu'il m'avait dit, le fait qu'ils étaient. Qu'ils suivaient plus Mephos que Christine, enfin que l'éveillé, et tout. Et leurs arguments aussi étaient assez durs à avaler, quoi. Du coup. Toutes mes théories sur les quadrillas étaient encore remises en question, et tout. Ça a été super compliqué, quoi. Non, mais. C'était cool, moi j'ai adoré. Mais c'était ouais, super chouette, quoi. On a pris trop cher, on leur a mis trop cher. Je sais pas si j'aurais fait comme ça à l'époque, mais je pense que maintenant, si je refaisais jouer ce scénario, je ferais carrément en sorte que, comme dans un bon vieux Donjons et Dragons ou quoi, bah, comme ces quadrillas-là sont pas des quadrillas de vie proches de Kranisten, on va dire, s'ils vous butent, ils vous butent. Quoi. Avec le Kabuki qui viendrait pour sauver à ce moment-là. C'est pas ce que j'ai prévu. ce n'est pas ainsi que ça doit se passer. Et ce serait dingue du coup de voir le Kabuki sauver quelqu'un comme ça. Bon, c'est moi pas je l'ai fait, moi je l'ai déjà vu. Oui, non mais sauver un bug contre un méchant. Ouais, pour le coup, ce serait peut-être un peu trop explicite, remarque. Je sais pas. Parce que justement, on peut parler de ça vite fait. Enfin, non, d'abord, retour sur ce scénario 99 là alors. Bah du coup c'était cool en plus parce que c'était l'occasion de voir Gladius à l'action, ouais, aussi ça, c'était chouette. De resserrer les liens aussi avec Wilfried qui nous avait encore une fois aidé, du coup qu'il c'était pas un mauvais bougre, c'était vraiment bien. Ouais. On a eu de la sympathie pour lui Le gars il est arrivé, je me suis désingué 5 quadrillas. Toujours de la méfiance mais un minimum de sympathie. On lui avait fait confiance à Graveur, on n'a pas eu tort de lui faire confiance. Il nous a accordé sa confiance là sur cette partie, pareil, ça s'est bien passé, donc il n'y avait pas de raison de continuer. Voilà, on lui a dit quand même, voilà. Évite de faire lire tes poèmes, quoi. C'est pas que c'est nul, mais... Non, mais voilà, quoi. On lui a dit qu'il fallait qu'il fasse gaffe, quoi. Que s'il voulait s'entraîner et tout. Et on a essayé de se rapprocher un peu de lui. C'était... Enfin, toi, surtout. C'est vrai, mais c'est vrai que t'as commencé à devenir pote avec Wilfried, moi, je l'aimais bien, franchement. Et avec ce qui va suivre aussi, moi, je l'ai kiffé tout Renaissance. Hein. Ouais, moi, j'ai un problème avec les immortels, alors... Ah mais moi j'ai été pote avec tous les immortels que j'ai croisés. J'ai essayé, sauf un, mais bon, lui c'est particulier, il veut détruire le monde, il veut détruire la Terre. Mephos c'est pas mon pote. J'aime bien les immortels, mais quand même... Pas lui, quoi. Voilà. Les immortels, c'est facilement, ils sont méfiés des immortels. Il vous donne un petit cours de logique. Si tu peux t'entraîner avec un gars qui bat un quadrillard... Ils ont fait de la merde il y a 500 ans et c'est nous qui en payons les pots cassés, c'est tout. Et en plus, pour en payer les pots cassés, ils nous ont utilisé quasiment toute notre vie actuelle. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'on est libéré des immortels, quoi. Ouais. Bref, là, on s'est éloigné. Mais bon, scénario 99, ça a apporté plein de trucs. C'était vraiment. C'était chouette. Bien. Et ça permet de là, en plus, tout s'enchaîne, quoi. Ah bah là, c'était après, ça a glissé tout seul. Ok. Et bon, là on a eu des quadrillas. C'est vrai, tu nous l'as dit après que t'avais utilisé les vraies règles et tout. Surtout que je les ai utilisées comme si moi, en tant que joueur, je les utilisais pour vous péter la gueule, quoi. Non, mais c'était super donc, chaud. Donc clairement, fallait que vous jouiez mieux que moi pour les avoir. Parce que j'ai bien vu comment vous jouiez, surtout toi, Tom. Parce que bon, Rafi, lui, il avait vu comment ça tournait déjà, il connaissait bien le système. Mais toi, Tom, je voyais bien que t'essayais de chercher tous les trucs possibles. Bah, il a fait plein de tests, hein. Mais ouais, les stratégies et tout, t'étais vraiment en mode. Comme dans un jeu vidéo, quoi. Tiens, comment je vais pouvoir défourailler un max, quoi. Et je me suis dit, putain, quand même, il veut faire ça, bah ok, je lui en fous dans les dents, quoi. Et du coup, je te colle deux quadrillas et tu m'inventes un nouveau truc qui te permet de les défoncer. Putain. Je me suis dit, putain, mais attends, les quadrillas de Cosmo d'Armor, je vais devoir leur mettre combien si je veux vraiment qu'ils luttent. Attends, mais moi, pour info, hein, mes quadrillas de Cosmo que vous avez affrontés, vu vos maîtrises du système... Les cadets de Cosmo que vous avez affrontés avaient des scores du genre 230 ou 250. Ouais, il s'est passé des fois. Ouais, c'est passé des fois. C'est passé. On a fait des trucs de ouf. Bon, on y viendra plus tard, mais c'est vrai que c'était épique. Parce que le cadet de Cosmo à 230, faut y aller. Faut y aller. Ah, mais c'était cool. Mais il y a. Moi, ce que. En fait, j'aime bien les gros chiffres. Ah, mais moi, ce qui m'a fait kiffer, en fait, bon, c'est. Il faut qu'il ait 1000 points. Ce qui me fait kiffer là-dedans, c'est que voilà, tu nous mets des adversaires forts, super forts, et moi, le seul truc qui me venait à l'esprit à chaque fois, c'était vas-y, faut qu'on les défonce, quoi. S'ils sont censés être imbattables et tout, faut qu'on prouve, rien que de prouver que tu pouvais les battre ou les blesser, c'était un élan en plus pour la résistance, un message d'espoir. On s'est fait acclamer comme des héros. Hein. Alors là, ça a été la grosse fête, quoi. Limite, ils ont fait une parade et tout. Hein. Il y aurait eu un feu d'artifice, ça aurait pas été étonnant, quoi. Ah, mais Jess, il m'a pas perdu sur Renaissance, c'est aussi pour ça. Hein. C'est parce que les combats, je les trouvais trop épiques et qu'à chaque fois, je me donnais à 200% pour les défoncer. C'était un truc de ouf. Moi, j'adorais les combats sur Renaissance. Alors, par rapport à ce qu'on disait sur Graveur et les combats dans Renaissance, justement. Ou même dans Mort, parce que je sais que toi, Tom, par exemple, t'aimes bien les combats dans Mort aussi. Ça dépend lequel. Ouais, mais enfin, le système, en tout cas, ouais, tu l'aimes bien. Ouais, le système, il est cool. Je me suis laissé dire que certains joueurs, certains MJ, ou je sais pas trop, en tout cas les joueurs, au final, à la table, ont très vite l'impression qu'ils sont imbattables et que parce que l'histoire doit continuer, ils ne pourront pas mourir. Et que du coup, les combats deviennent très chiants très vite et que le seul combat qui reste mythique au final, même quand on a fini Néant, le combat le plus mythique, c'est le combat contre Graveur parce qu'on n'est pas trop encore au courant de cet état de fait. Absolument pas comme ça. Non, nous on a rendu tous les combats mythiques et nous on avait toujours l'impression qu'on pouvait les battre, même contre les Cosmos, je te jure. La première fois que je les ai vus, je les ai blessés, j'ai fait ça, je suis sûr, la prochaine fois qu'ils passent, il y en a un, je me le fais. On était trop à fond. Mais voilà, nous c'est comme ça qu'on pense. Nous on arrive sur Cosmos, non pas sur Cosmos, là on va faire attaquer Cosmos, mais on attend que ça, les cadres de Cosmos, c'est de pouvoir les défourailler. Si on veut les défoncer, mais on a tout préparé, on a des plans et tout, on se dit c'est faisable. Vous avez des petits plans secrets aussi, des fois je vous à marmonner dans votre barbe entre vous, vous voulez pas me dire ce que vous dites. Non, mais du coup, là, on avait commencé à développer un esprit d'équipe sur Renaissance, et le fait que lui avait déjà joué, il savait déjà comment fonctionnait un peu le système, donc moi, ça m'a permis d'aller plus loin et plus vite, et du coup, là, dès Renaissance, voilà, on avait trouvé comment défourailler tous les quadrillas, et... Et puis, on a eu plein d'infos, en vrai, hein, tout du long de Renaissance, que moi, j'avais pas eu sur ma première table. Hein. Moi, je suis arrivé déjà là, j'en savais déjà plus. Quoi. J'étais plus à l'aise, ouais. C'est vrai que y a des gens, alors on en parlera probablement dans le prochain podcast, mais il y a des gens qui disent avoir été choqués la première fois qu'ils ont entendu parler du fait que Fabien Lidvine, dans sa campagne de Renaissance, avait déjà commencé à parler de la métallite. Bah nous, on en a parlé. Bah oui, parce que moi aussi, c'est le scénario d'Ozymandias dont on parlera la prochaine fois probablement. Mais c'est ça, en fait, le truc. C'est que ma première table, j'avais fait jouer Ozymandias, mais c'est parce que c'était un scénario d'Adrien et que c'était assez bien amené. Mais de base, je comprends qu'on puisse être... Enfin, quand on débute et tout, on puisse être choqué. Ah merde, j'ai parlé de ça aussitôt que ça. Après, bon, il y a des MJ qui en font un petit peu trop, à ce que j'ai pu comprendre. J'ai l'impression qu'ils rendent le truc un peu trop transparent pour les joueurs. Ouais, faut trouver un juste milieu, quoi. Il y a des MJ qui aiment beaucoup jouer avec le côté méta du MJ, de la table, par rapport aux bugs, etc. Enfin, le cellulis et son simulacre, etc. Dès le début, et beaucoup. Ce qui fait que, enfin bon, moi je joue pas comme ça en tout cas, mais ouais, donc vous pour les combats, vous avez trouvé qu'ils étaient tous importants et ouais, tout, vous avez jamais sûr, eu. Non, nous on a toujours, moi je prends toujours mon pied pendant les combats. Ouais, non, mais carrément. Un peu moins sur mort, mais pour d'autres raisons, parce que le quadrillon de mort, c'est pas. Voilà, mais ceux contre les quadrillons de mort, parce que les 2-3 autres bastons qu'il y a eu, on est toujours à fond. On est toujours à fond, on a fait des batailles contre. Nous on flippe à chaque fois qu'on voit nos casques se rayer sur nos fiches de perso. Il arrive un moment, on sait qu'il n'y a plus d'armure, quoi. On sait qu'il y a toujours eu. On va pas spoiler, mais combien de fois on s'est battu dans Néant aussi. Attends, même les combats qu'on faisait entre nous à l'entraînement, on disait à Jay, non mais Jay, on fait un vrai combat. Hein. Tu notes les blessures et tout. Tu sais, c'était pas on fait une cinématique, on s'entraîne, c'était on se fightait. On se fightait. C'est vrai que vous avez pratiqué au sens propre. Non, on a un accordé un point d'honneur à chaque fois à les jouer. Et moi, je les kiffe tellement, les combats. Bah ouais, non, et puis c'est important. Non, mais ça nous prépare déjà pour la suite aussi, quoi. Et bon, le fait que. Puis on apprend toujours plein dans les combats. Dans Renaissance, il y a toujours des trucs à apprendre dans les combats. Donc. Et tu regardes, ils sont censés quand même être. Tu dis, ouais, ça les emmerde un peu qu'ils soient indestructibles et tout, mais bon, on vous dit de base, dans la base, que. On n'a pas réussi à les blesser, tout ça. Tu sais, quand ils attaquent à la Nouvelle-York, les quadrillés, ils passent pour des bourrins, quand même. Ouais. Donc, il faut quand même avoir un truc qui tient la route, en face. Il faut pas un truc que tu casses en deux au premier coup d'épée, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai qu'avec vous, ça m'a vraiment permis de me... Te lâcher. Me lâcher, bah ouais, c'est ça. Ça m'a déculpabilisé, ça m'a vraiment... Allez, vas-y, et puis celui-là, bah, il a 90 en vie, et puis il va... Enfin, non, il avait des chiffres genre 70, 75, et je me disais, bah là, maintenant, avec ça, il va utiliser tant de ses points pour booster son 75 et l'amener jusqu'à 135. Ça nous a pas fait chier. Ça coûte cher en points d'énergie, mais 135 de vie pendant 5 tours, bah, ça fait que le mec, il a largement le temps de te défoncer, quoi. Mais ouais, tu jouais à fond, et moi c'est surtout ça que j'ai kiffé, du coup. C'était parce que moi, les combats où je me suis ennuyé, c'était les combats que je savais gagner d'avance, souvent. Donc c'est ça. Ouais, mais il y en a qui disent que les combats contre les guerriers de Cosmo, c'est du gagner d'avance. Surtout le deuxième, où on a déjà eu l'expérience du premier. Mais tu le sais. Nous, on n'a pas cette impression. En tant que joueur, on le sait peut-être, mais on est tellement à fond dans nos personnages quand on joue que nos personnages, ils le savent pas, donc on le sait pas. Mais tu le sais, je pense, feu, Dieu. Ouais, je sais, tu es très. Enfin. Tu penses feu, mais en vrai, je sais pas si t'es si feu. Ah non, peut-être si pas en vrai, ça, mais dans... C'est vrai que le jeu, tu le prends très feu. Ton lien à sens doit être tout feu, tout flamme. Non, mais... C'est cool. Ouf. Bah, c'est le plus long podcast que les rôlistes dans la cave auront jamais enregistré jusqu'aujourd'hui. Bah, en même temps, c'est là, le premier de l'année, alors, du coup. Ils auront de quoi faire comme ça, parce que bon, on a quand même fait 3-4 scénars, là. Ouais, ah ouais, on est quand même à 1h30 là, je vois, passer. Bah, c'est bien. Ouais, on a doublé le temps habituel que je veux réserver à ces podcasts, mais bon. Mais ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas eu de podcast. Voilà, exactement, les pauvres, ils en avaient envie. Tu peux bien multiplier par 2. Bon, bah. Du coup, vous aurez 2 podcasts dans ce mois. Non. Et une chanson à la con. On a peut-être un projet avec Morgane, mais je ne dis rien. Bon, bah, sur ce... Ouais, c'était cool. Ouais. C'est toujours cool de parler... de parler de sens. Ouais. Puis là, on peut raconter nos exploits, alors c'est chouette. Ouais. On en est très fiers de nos exploits. Bande de branleurs. Utiliser le système de boost instantané de rue. C'est le secret, c'est ça. Ça vous permettra de tuer des quadrilles. Oh, quel bourre. Bon, bah voilà, écoutez, on se retrouve donc dimanche dans 4 semaines ou 5, ça dépendra du nombre de semaines dans le mois de mars, a priori, enfin bon. Toujours charentais, hein. Bon, sur ce. Bon, bah. Salut! Salut tout le monde!